Rap et R&B. Rap et R&B non-stop. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. When what deep in love, yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry. Passez un bel été, un bon jeudi soir avec la plus grande radio libre de France, celle de Difool. On se refait tous les meilleurs moments du lundi au vendredi à partir de 21h. Et avant la fin de l'émission, je vous offre vos places pour aller voir le Whoop. C'est Mister V et toute son équipe de comiques youtubeurs sur scène à l'occasion d'un grand show qu'on organise, nous Skyrock et la sécurité routière. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retenez bien ça pour cet été. Vos places, vous les gagnez avec un petit SMS maintenant pour s'inscrire et participer au tirage au sort. C'est Roulette qu'il faut envoyer au 72020. Roulette au 72020. Et là, l'une d'entre vous se retrouve avec moi tout à l'heure en fin d'émission pour faire tourner, crier stop et décrocher ces deux invitations pour voir le Whoop sur scène. Sommaire de l'émission maintenant avec Difool et toute l'équipe. On va se refaire le moment avec SCH et la Ferrari. Pour faire comme dans la chanson, Difool a loué une Ferrari. On est parti faire un tour avec Cédric au volant, Romano dans la voiture, SCH également. On va revivre tout ça tout à l'heure. Ce sera avant 23h, promis. On va se faire aussi le double appel, bien entendu. Exceptionnellement, le triple appel même ce soir. On a réussi à connecter trois familles. Restez bien sur Skyrock. Les pervers de Pamela, c'est prévu aussi. On va aussi aider les Français. Jeudi soir, le problème du mois, c'est Emilien qui a un problème. C'est notre patient pour ce soir. Il se branle au bureau. On va découvrir tout ça dans le détail tout à l'heure avec Romano qui va nous lire son problème du mois. On va aussi avoir en ligne Sabri, c'est un mec dangereux. Il va dans des endroits désaffectés pour faire des conneries. On va découvrir de quoi il s'agit. Rémi également, sa meuf veut l'empêcher de pratiquer son sport préféré. On va savoir pourquoi. Et on attaque l'émission maintenant avec Julia maire de Paris qui veut se débarrasser de quelqu'un. Mais de qui? Radio Libre sur Skyrock avec Diffoul et toute l'équipe, c'est jusqu'à minuit. Ouais. Et là je vois Julia qui arrive avec nous en direct de Paris. T'es là Julia? Oui, je suis là. Bonsoir mademoiselle. Salut bon Julia. Bonsoir, bonsoir. Alors je te présente, t'as 27 ans et t'es bien parisienne toi. C'est ça, tout à fait. Alors, Julia, ça tu voudrais te débarrasser de quelqu'un. Donc on a quoi, 12 minutes pour se débarrasser de quelqu'un. Ah, de ton mec. Est-ce qu'on en est capable? D'un lourd. T'es ton mec? C'est ça. Oui, enfin c'est. Moi, c'est un lourd c'est aussi un peu peut-être. Compliqué. C'est alors ça fait 4 ans que je suis avec lui. On est mariés depuis 2 ans. Donc le souci c'est que ça fait un an que c'est pour moi c'est vraiment terminé et tout. Et donc j'ai même rencontré quelqu'un d'autre, etc. Oh, donc, ça fait un an. Bien fait de vous marier, tiens. Ah bon, on a vraiment bien fait de se marier. Ouais. Je disais erreur parce que pour ne jamais divorcer, eh ben vous mariez pas. Ah ben voilà, c'est ça. Ça c'est là. Et donc tu t'es marié puis genre ça a commencé à merder combien de temps après le mariage? Bah quasiment instantanément juste après. Instantanément, en fait. T'imagines, tu te maries, pam pam. Mais tu sais que moi j'ai mon oncle qui s'est marié et le lendemain il a divorcé, gros, il a demandé le divorce. Bravo! Encore mieux! Ah, mais t'as le droit, mais je crois qu'il n'y a pas un délai normalement. Non, mais il n'y a pas de soucis. Non, je sais pas, mais même le jour du mariage, je me suis dit, mais putain, je fais une connerie. Ah bah voilà. Le jour du mariage, mais je me suis dit peut-être que. Ça, c'est le sixième sens féminin, je t'ai pas trompé. Non, mais je me suis pas plantée. Et le souci, c'est que j'ai beau lui dire que je ressens plus rien, que c'est fini, il comprend pas. Mais le plus gros problème, c'est que j'ai ma famille contre moi, en fait. Ils me disent, si tu divorces, tu mets plus les pieds chez nous. Sympa. Bah, tu leur dis pas de quoi je me mêle, non? Non, mais le problème, c'est qu'on n'arrête pas de me dire, ouais, mais on est des musulmans, on est des machins. Vas-y Karim, allez. Il y a des musulmans qui divorcent, hein, c'est pas haram de divorcer. Dans ma famille, il y en a plein qui sont divorcés. Hein. Tu sais, faut leur expliquer que c'est pas haram de divorcer. Hein. Et puis mais c'est ce que je leur ai dit. Et le problème, c'est qu'ils veulent pas comprendre. Et c'est un forceur, quoi. Il fait que des choses qui. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, mais c'est que des trucs, il comprend pas que c'est fini, il vient, il essaie des trucs, mais... Lui, il est très amoureux de toi encore, lui. Mais en fait, je sais pas si c'est de l'amour, de l'habitude, ou je sais pas, en fait. De ce côté, moi, c'est clair que c'est mort. Ouais, ou alors pour lui, t'es à lui, quoi. T'es à lui. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis qu'on s'est mariés, il se dit, bon bah c'est bon, je suis mariée, elle est à moi, mais non. Ouais, mais c'est ça, mais lui, ça doit être ça dans sa tête, vu comment il réagit, parce que bon, il doit bien... Non, mais logiquement, c'est ça, logiquement. Mais il t'a fait des trucs pas bien, il t'a trompé, il a... Alors, oui, il m'a trompé, mais parce qu'on n'était pas mariés, mais je suis pas restée sur ça, ça faisait 4 mois, on était ensemble, je suis vraiment pas restée sur ça. C'était au début, quoi. C'était au tout début. Et depuis, donc, t'as pas trompé, c'est ton si, il va pas baiser. Non, c'est un mec tranquille, sur ça, j'ai rien à dire. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas du tout compatible. C'est quelqu'un qui a pas de caractère, il sort jamais, il veut rien faire. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime bien sortir. Il est jeune, il a quel âge? Il a ton âge, non? Bah, on a le même âge tous les deux, oui. 27, et tous les le souci, c'est qu'il vit une vie de quelqu'un de 80 ans. Ah oui, c'est un papy. Et ça finit par me fatiguer. C'est vrai que pour 27 ans, 80, ça fait quand même une grosse... Putain, le mec, il a pris un sacré coup dans la gueule. Ouais. Ah ouais. Non, mais le truc, c'est que en fait, pendant les deux premières années où on a été ensemble, il a fait que de me délaisser par rapport à son travail. Et moi, j'ai tout fait pour essayer d'arranger les choses. Je vois que ça n'a pas marché. Je me suis quand même mariée en me disant, bon, bah peut-être que ça changera quelque chose. Au final, ça n'a rien changé, ça a empiré. Et donc, bah moi, après, du coup, j'ai fait ma vie de mon côté. Et quand j'ai fait ma vie de mon côté, il a commencé à s'affoler. Bah, c'est normal. Tu vois ta meuf faire sa vie de son côté, bon. Tu te dis que ça, quand même, ça commence à puer, oui. Voilà, bah ouais, pendant un an, j'étais enfermée à la maison, rien faire, je voyais personne et tout. Et donc, du coup, j'avais repris un boulot, j'ai repris la salle de sport, j'ai perdu 40 kilos. Et donc, il a commencé à psychoter, à devenir collant, à m'oppresser comme jamais, quoi. Ah, parce que peut-être quand t'étais un peu grosse, il se disait, ouais, il y a aucun mec qui va aller la voir. Ah, et maintenant que t'es un peu bonne. Et maintenant que t'es. C'est ça, ah, ouais. Ça doit être ça, ouais. Oui, non, mais je sais pas. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est vraiment... c'est mort. J'aime vraiment quelqu'un d'autre de toutes mes forces. Et Je comprends. Moi, j'ai connu ça avec un ami à moi. C'est horrible, quoi. Je sais pas, je sais pas quoi faire par rapport à ma famille. Non, mais que dalle. Je sais, qu'est-ce qu'il y a que dalle. Non, mais il n'y a rien à voir. Moi, il n'y a absolument rien à voir. J'ai pas parlé encore de toi, Romano. Mais tu t'es visé, apparemment. Ouais, ouais, non, mais bon. Bah, lui, direct. Tu sais, je me sens arrivé direct avec son gros nez, là. Bah, tu sais, tu te penches vers moi sans le vouloir. Qui, moi? Bah ouais, t'as la tête baissée, tu sais, il se penche là. Ouais, en te montrant du nez, en fait. Il te pointe du nez. Ouais, c'est ça, ouais. Et je souris. Ouais. Non, mais bon, pourquoi pas. J'imagine le coup. Bah, heureusement, le divorce existe. Hein. Ah bah, c'est clair, mais heureusement. Mais moi, tu sais, moi, je sais, toi, franchement, c'est... Tiens, bon, c'est relou parce que ta famille, ils vont t'en vouloir. Mais tu vas pas te forcer à rester avec un mec que t'aimes plus, c'est quoi. Non, sinon, c'est une vie de merde, au final. Elle me dit si. Je dis, bah, si c'est ça, je vais le tromper toute ma vie parce que je peux pas rester avec quelqu'un que je n'aime pas, avec qui je ne fais plus rien. On a aucun centre d'intérêt en commun. Faites plus de sexe, plus rien. Ah non, mais c'est, il n'y a plus rien. Mais lui, il n'a pas envie de. Il ne te chauffe pas, il n'a pas envie de baiser, il n'a rien, lui. Non, mais moi, au début, quand j'essayais, j'achetais des sous-vêtements, j'ai fait des trucs, je me mets devant lui, il me dit non, attends, je regarde les anges. Mais on nous a dit d'ailleurs que tu avais la voix d'une meuf de télé-réalité, là. Il y en a plusieurs qui nous posent la question depuis tout à l'heure. Tu n'es pas Julia de, je sais pas moi, des Anges 7 ou... Non, jamais. Je suis jamais passée ou des, ou des Marseillais ou des Ch'tis. Non. Ou... Non. Pas en fait, c'est toi. Ouais, c'est toi. T'es une Ch'ti. Non. Tu es Julia des Anges. Ah non, j'irai jamais m'exposer à la télé. Ah, non. C'est vrai que ça, c'est un peu. Oui, bah oui. Bon, écoute. Hein. Est-ce que tu as eu des gosses avec lui ou pas? Nous demande Blue. Oui, un. Ah, vous avez un enfant. Ah, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a dit que... Ah, ouais. Eh ouais. Mais tu l'as eu avant le mariage ? Oui, on l'a eu avant le mariage, ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est haram, ça. Moi, je fais le haram depuis tout à l'heure. Dès qu'ils disent un truc, c'est haram, c'est... Oui, Karim, c'est l'imam, ce soir. Salut, imam Karim. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, j'ai pas besoin d'un imam, j'ai assez avec ma famille, avec mon mari. Non, mais tu sais, moi, la famille, elle m'aurait dit ça. En plus, je les aime bien, c'est ma famille. Mais je leur aurais expliqué qu'il fallait qu'ils se mêlent de leur cul, au final. Sans être vulgaire. Nous, chez les rebeux, malheureusement... Non, mais chez les rebeux, chez tout le monde. Non, mais bon, de toute façon. Ma mère, mes parents, après, t'as des familles, on en parlait. Je les oublie, je mets plus un pied chez eux. Oui, mais d'accord, mais t'as tu vis pas plus traditionnalistes oui, mais, que d'autres. Oui, puis tu vis pas pour ta famille, quoi. Moi, je sais que je pourrais pas rester. Je vis pas pour eux, mais c'est relou parce que. Ah non, mais je comprends, mais bon, moi, je pourrais pas. J'ai pas vu mes parents pendant 3 ans, j'ai pas envie que ça se reproduise, quoi. Je comprends même pas que t'arrives à rester, tu sais, à vivre avec ce mec, quoi. Non, mais final, pour te dire comment je ne le supporte plus. Le soir, quand je rentre du travail, je fais exprès de prendre du temps pour rentrer, pour être bien sûr qu'il dorme. Je dors même plus avec lui. Tous les week-ends, quand je sais qu'il est là, bah, moi, je sors. Je suis jamais chez moi. Et votre fils, il se rend compte, votre fils, que ça va pas? Tout petit, non? Bah, évidemment. Et moi, je lui dis, mais tu te rends compte que pour la petite, c'est pas bon? Il me dit, oui, mais de toute façon, ça va s'arranger. Mais il a pas compris que je ressens plus rien. Non, mais tu vis un truc, c'est pas facile pour lui non plus, hein, cette histoire. Parce que bon, lui, il est sans doute très amoureux de toi. Toi, tu es plus du tout amoureuse de lui. Et forcément, ça crée des soucis, hein. Ouais, peut-être qu'il se raccroche aussi parce qu'il voit que tu pars et que tu t'éloignes. Il y a peut-être ça aussi. Non, mais je pense que lui, il est peut-être plus dans le fait que je voyais quelqu'un d'autre, il le sait, et je comprends pas qu'il parte pas. Parce qu'il te kiffe ou qu'il a pas envie de divorcer. Là, que c'est l'habitude. Là, ou alors, il a pas envie de sa routine. C'est tout. Tu sais, tu fais partie de sa routine, en fait. Bon, dites-nous, laissez-nous des messages. Vous feriez quoi à la place de Julia? Tiens, je me barre. On va vous demander à vous, qui nous écoutez, Romano, il se barre. Quelle horreur. Rémi, donc toi tu nous appelais par rapport à du sport. C'est ça, par rapport à la boxe. Par rapport à la boxe, oui, car faut faire attention à Rémi, le gars il est boxeur. Mais faut pas l'emmerder, Rémi, là. Ancien boxeur. Oui, en fait, donc t'as arrêté la boxe à cause de ta meuf ou t'as arrêté la boxe pour d'autres raisons? Non, j'ai arrêté la boxe parce que voilà, il y a eu un petit problème et j'ai dû arrêter, j'ai boxé pendant 4 ans. Et là, j'aimerais bien reprendre la boxe. Mais ma copine veut pas, en fait. C'est quoi, la peur? Elle veut pas que tu te fasses abîmer le visage. Parce qu'en fait, voilà, la boxe, comme on le sait tous, on prend des coups. J'ai déjà eu le nez cassé à la boxe, tout ça. Elle a peur que je reprenne encore plus de coups. Moi aussi, je me suis cassé le nez à la boxe. Mais quand tu appelles nez cassé, Rémi, t'as pas le même que des foules. Non, mais moi, on s'enseigne. Mais il est normal, mon nez. Ah non. Bah, il est normal. Je suis désolé de te le dire. Pas tout à fait. Mais t'assures qu'il est normal. Non, mais Rémi, t'as pas le même taringue d'ifoule. Non, je pense pas quand même. Mais c'est quoi, toi? Quand même. Non, mais toi, t'as le nez crochu ou il est tout écrasé? Mais moi, il est pas crochu. Non, il est pas droit, quoi. Ah, t'es une bosse, il est tordu. Ah, bah, il est pas droit, c'est normal d'avoir un nez pas droit. Non, mais toi, c'est pas ça le pire. Qui? Non, moi, ça, je m'en fous, ça. Voilà, c'est la boxe, c'est mon sport, je suis amoureux de ce sport-là. Tu vois, lui, il s'en fout de son nez. Et il a bien raison. Parce que l'essentiel d'en avoir un et d'avoir un nez qui respire bien. Oui, bah, c'est mieux. Comme le mien, écoutez. Qu'il respire bien. Ah, ouais. Pourquoi tu te fais pas enlever le nez, là, comme les boxeurs? Mais c'est quoi qui... C'est moi. Ah, c'est toi, non, Cédric. Non, moi, ça va. Chambre déo. En effet, mon nez respire trop bien. Ouais, pourquoi tu te fais pas enlever l'os du nez, tu sais, comme les boxeurs? Bah, ça, c'est une chirurgie, après, tu vois. Ouais, j'imagine. Si tu dis ça à ta meuf, déjà qu'elle est traumatisée, elle est quand même. Déjà qu'elle est traumatisée, alors l'eau. Avant de recommencer la boxe, ma chérie, ne t'inquiète pas, je me fais désosser le nez. Et après, tu verras, aucun risque de le casser. J'en aurais pas. Non, mais c'est horrible. Si tu dis ça, elle va tomber dans les pommes. Moi, je comprends qu'elle fasse. Moi, tu sais, la boxe, j'aime pas trop. Ça me fait mal pour eux, tu vois. Moi, j'aime bien, moi, j'adore boxer. J'adore me retrouver sur un ring. Quand t'es amoureux de ton sport, t'es obligé d'y aller. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais je sais pas, tiens, les mecs, il y en a, ils ont la gueule quand même sacrément amochée, quoi. C'est sûr. Ouais, mais bon, après, c'est un choix. C'est un choix. Yep. C'est vrai, regarde ceux qui partent à l'armée, ils savent très bien qu'ils pourront se prendre une balle. Bah pourtant ils y vont. Après c'est des vocations. C'est vrai, c'est une passion. Voilà. Ça te fait mal, mais bon, t'aimes ça. Toi tu comprends Marie, t'as dit que tu comprenais sa meuf. Moi je comprends sa meuf. Hein. Dites-nous les filles, comment vous réagiriez votre mec qui vous dit qu'il fait de la boxe. Est-ce que ça vous dérangerait? Voilà, moi, après, je pense qu'elle rigole, moi je lui dis ça. Je lui dis je vais faire de la boxe. Ah bon, bien sûr. Ouais, oui. Voilà, après c'est un peu dégueulasse de t'interdire de faire ta passion, ça c'est sûr, mais je comprends qu'elle flippe. Ah, tu comprends qu'elle flippe. Moi je flipperais aussi un peu, tu vois. Bon, dites-nous si vous avez un sport que vous il y a beaucoup de morts, aimez, genre je sais à la pas, boxe. Votre copine elle aime non, pas. Non, il y a pas de mort. Enfin, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. C'est très très rare. Ouais, parce qu'ils se foutent quand même des patates, hein. Ouais, mais t'as un arbitre quand même qui est là, tu vois, qui est là pour gérer le combat. Oui, il y a l'arbitre, s'il voit que l'autre il est mal en point, il a deux doigts de mourir, il arrête le combat. Bah, vaut mieux avant que tu meurs, l'arbitre il dit stop. Ah, stop, ah, le mec peut t'éclater. Arrête de le taper. Ouais. Voilà. Bon, dis-nous ce que vous en pensez, tu voulais qu'on fasse quoi pour toi, Rémi, dis-nous. Bah, je sais pas comment je pourrais la convaincre, tu sais, qu'elle me laisse reprendre la boxe ou, tu sais, donner des idées pour la convaincre. Non, faut trouver une passion qu'elle a et que t'aimes pas, toi. Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? Mais elle a déjà été voir, genre, un entraînement, tu sais, c'est un truc à la con, mais. Bah ouais, je l'ai emmené voir des galas de boxe et tout, tu sais, à 50 ans, il y a le palais d'espoir. Amène-toi te faire défoncer, tiens. Amène-la. Tous les mois, il y a des galas de boxe et puis je l'emmène voir ça. Elle me dit, ah ouais, c'est bien, ceci, cela. Mais pour les autres, elle veut pas que ce soit moi, quoi, qui boxe. Parce qu'elle a trop peur. Bon, bah, on attend vos témoignages. Dites-nous. Et Sabri, tu as 16 ans, t'es le bienvenu sur Sky. Salut Fabri. Salut Fabri. Sabri. Bienvenue, hein, Sabri. Bienvenue, Sabri. Bienvenue, merci. C'est toi qui nous disais que tu rêvais de passer sur Skyrock, toi. Ah oui, mais non, mais c'est pas un rêve que pour moi, c'est un rêve pour un pote aussi de me voir. Enfin, de t'entendre. De m'entendre. Oui, plus de t'entendre. Oui, oui parce qu'en fait, je suis un peu con. Mais c'est pas grave, nous aussi. Tu sais, nous aussi, Sabri, donc bienvenue au club. Y'a aucun problème. T'es bien le bienvenu ici. T'as l'impression qu'il y a un truc qui va pas bien dans ta tête, toi. Tu vas nous expliquer. C'est un peu chelou, le délire. Ouais, c'est chaud. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, ouais, j'ai l'impression d'être un petit peu bizarre. Pourquoi Sabri, il est dangereux, je vous le dis. Il est dangereux. Méfiance. Ah ouais. Pourquoi t'es bizarre? Pourquoi t'es dangereux? Ouais, parce que avec des potes, on a des délires, c'est d'aller dans des endroits abandonnés. Ouais. Et moi, en fait, j'adore faire brûler des trucs. Et en fait, j'ai fait brûler un grand endroit abandonné, mais genre un tout petit feu. Et après, j'ai décidé de balancer une bombe de peinture qu'on a trouvée sur place. Et ça m'a explosé à la gueule et j'ai failli mourir, en fait. J'espère que ça t'a calmé. Des pyromanes, en fait. Toi. Non, ça m'a pas calmé. J'ai continué, en fait, parce que j'aime trop ça. Mais t'es défiguré? Non, j'ai rien, mais... Moi aussi parce qu'il y a des mecs, tu sais, ils se retrouvent... ils ont plus de visage, quoi. Ah bah, c'est ça, exactement. Ouais, mais en plus, t'as du mal, il m'a forcé à alimenter le feu, et moi, comme un con, j'y retourne, et j'ai oublié, et ça m'a explosé. C'est bizarre, c'est que ça t'est pas calmé, tu te dis, je risque d'être complètement défiguré à vie, voire de mourir, on sait jamais. Il y a déjà eu même des décès, ouais. Ouais, mais il est accro à ça, lui. Et que ça t'est pas calmé. T'es pyromane. Ouais, c'est une drogue, hein. T'es cinglé. Ça va pas. T'es un malade. T'as un gueudin. Non, mais genre, quand t'étais petit, tu faisais brûler des petits trucs, t'adores le feu, en fait. Moi, j'aime bien aussi, ça. Ouais, j'ai déjà fait ça, en fait, quand j'avais 8 ans. J'ai déjà fait ça au Maroc et c'était plutôt dangereux aussi. Mais tu faisais quoi? J'ai fait un feu de broussailles. Il y avait une vache derrière, elle est morte. T'es dégueulasse. Oh, barbecue. Tu l'as bouffé au moins. C'est un petit barbecue. Ignoble. Non, mais elle est conne aussi, elle est qu'à se barrer. Bah oui. Non, mais elle est attachée, tu vois. Ah merde, oui, bah non, elle est moins conne alors. T'es con. Ah ouais, elle a bien grillé. T'es pas bien, toi. La pauvre. Après, Marie, t'as jamais mangé un beefsteak? Bah non, mais bien sûr, mais enfin, j'ai jamais brûlé une vache vivante. Tu manges du bifteck cru ou quoi? Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Non, c'est limite de la torture, le truc. Ouais, c'est sûr. Et ouais, c'est marrant que c'était. En plus, c'est dangereux. Toutes ces expériences, t'es pas calmé. Non, mais c'est que moi, je pense qu'un jour, il va arriver une galère, mais un truc, tu sais, genre, tu vas foutre. Tu sais, c'est déjà arrivé, hein, genre des mecs qui s'amusent avec le feu et au final, ça brûle une baraque entière. Avec le feu, se brûle. Ou alors les aérosols où ça te revient dans la gueule. Non, mais ça, les aérosols, déjà, ouais, faut. Bon, de toute façon, je pense que là, t'as compris avec ça. Est-ce que t'as déjà Je voulais te demander, est-ce que t'as déjà pété, mis un aérosol et t'as fait du feu? Bah bien sûr, j'en ai même fait un la semaine dernière. Putain, moi, j'ai jamais vu ça. Non mais faites le pas, vous pouvez vous brûler l'intérieur du trou de balle. C'est vraiment dangereux. C'est l'intérieur du trou de balle qui me brûle. Et d'où ça vient la pyromanie? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Si vous savez, vous nous dites. Si vous êtes pyromane, vous nous dites aussi. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire brûler deux, trois trucs, c'est marrant. Par exemple, à l'appart le matin, quand on fait le morning, on est à l'appart dans le 92, à Courbevoie, et on a une petite bouteille d'alcool. Vous savez, l'alcool bleu qu'on a. Ah ouais. Et souvent, des lignes de feu. Je mets. Tu n'as t'as pas une bouteille d'alcool, Cédric? Si, peut-être. J'ai une bouteille de vin. Non, de l'alcool, même pour désinfecter. Ouais, c'est ça. Ah ouais, et donc, je mets une petite. J'écris un truc. Par exemple, je peux écrire Skyrock avec l'alcool. Et après, j'allume et t'as le Skyrock qui brûle. Ouais, j'aime bien faire ça, moi aussi. Comme si t'aimes bien. Ah ouais, je trouve ça stylé. Non, mais le feu, c'est un côté. Face des malades. Ça a le côté fascinant, un peu. T'as jamais fait. Putain, mais c'est. Ouais, je sais pas si. Après, c'est dangereux. Je fais des barbecues, moi, c'est tout. Non, mais tu sais, cracher. Non, ça me fait flipper. T'as jamais fait ça? Avec l'alcool. Tu mets l'alcool ou la vodka ou un alcool très fort et tu la positionnes comme ça et tu mets une grande flamme et ça fait vraiment une. Ouais, comme les mecs dans la rue. Ouais, ou dans les cirques, que c'est des flammes énormes qu'ils font parce que c'est. Ah non, mais il y en a, ouais, laisse tomber, les mecs qui te sortent des trucs, c'est à lance-flamme le bordel. Tu peux pareil, tu peux te cramer la barbe ou la gueule. Ouais, ou même. Ou l'intérieur de la bouche. Ouais, ou la langue et tout. La trachée. Ah, t'es content. C'est arrivé, je crois. Un mec, en fait, il avait merdé et en fait, la flamme, du coup, elle est rentrée à l'intérieur, quoi. Exactement. Moi, j'adore les bougies, tu vois, par exemple, mais je foutrais jamais un truc avec du feu comme ça aussi j'allume des bougies. Ouais, je suis un ouf, moi. Ah, toi, t'es vraiment un ouf, toi. J'adore ça, moi. Oui, Romano brûle des cierges pour gagner à l'euro million. Non, j'aime bien mettre des bougies, tu sais, qui sont bons chez moi. Ouais, pareil. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Sabrine, ou? Ah, mais faut me l'aider, parce que là, j'ai pas envie d'avoir problème. En plus, il y a déjà eu une enquête sur nous, là, c'est. On va chez un thérapeute direct. Hein, mais vous avez brûlé quoi, en fait? C'était où, le truc, la maison? En fait, c'est un endroit abandonné. Genre, c'est un ancien campus universitaire. Ah, c'est genre des entrepôts, quoi. Ouais, mais c'est vraiment drôle, en fait. Bah c'est drôle, non, c'est drôle. C'est drôle, c'est pas drôle. Sauf si t'as un truc qui t'explose à la gueule. Non mais puis non mais de toute façon, déjà le premier truc c'est que ce soit abandonné ou pas, t'as pas à faire brûler un truc qui est pas à toi, quoi, tu vois. Ouais, bah. Ouais. C'est ça, c'est même si c'est une baraque déjà, abandonnée, t'as pas c'est interdit, c'est dangereux. Ouais, mais c'est dangereux, tu sais jamais, le feu, il peut commencer à partir sur un autre truc, imagine. Faut le feu à tout Orléans, ça. Non, mais c'est une forêt derrière. Bah, non, mais regarde, ce qui arrive souvent dans le sud. Ouais, c'est que les mecs, ils allument un feu, ça fout un bordel, il y a des gens, tu sais, qui ont leur baraque qui brûle, des fois, il y a des décès et tout. Bah, regarde, là, au Canada, les incendies qu'il y a eu de ouf. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais ça en est où, d'ailleurs? T'as dû kiffer, non, quand t'as vu les incendies au Canada, Sabri? Non, mais je suis pas un bâtard. Ah, quand même. Non mais tu serais pas taré genre à faire comme certains mecs à aller foutre le feu dans une forêt, quoi. Non, moi je fais pas ça parce que je sais ce qui est entre le grave et plus grave. Ouais, mais attention, le grave, toi, ce que t'as risqué, c'est grave, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas pour te foutre les chocottes, mais attention. Non, mais bien sûr, ça peut être grave. Non, mais déjà, je peux te dire qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va se rendre compte que ce bout de baraque ou je sais pas quoi, ça a cramé. Ça a cramé, derrière, ils vont faire une enquête, hein. Ouais, c'est ça. Et tu disais déjà qu'il y avait une enquête sur toi. Nana qui s'est brûlée l'anus, là, en faisant un P. Non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça sur le net? Il y a une nana qui s'est brûlée l'anus. Bah, en fait, il y avait un concours de nana qui faisait des P, là, tu sais, pour faire des flammes. Il y a une nana qui s'est brûlée le trou du cul. Elle, en pétant. Ouais, en pétant. Mais elle avait bouffé quoi? Il y a eu un rappel en fait de flamme et elle s'est brûlée. Ah, il y avait une flamme aussi. Ouais. Hein, okay. Ah ouais. Terrible. Il y a la vidéo de ça. Avec le feu. Il y a une vidéo? Non, mais il y avait la vidéo de plusieurs nanas. Peut-être moi, j'aimerais bien voir la vidéo de son trou du cul. Ouais, après, bah c'est moi. Ça, moi. C'est que... Non, bon. Ça, il n'y avait pas ça. Un trou du cul au barbecue. Pas mal. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. Radio Libre sur Skyrock jusqu'à minuit, tout l'été, entre 21h et minuit, avec Difoulé toute l'équipe, les meilleurs moments de cette saison. Attention, le double appel arrive, on va connecter trois familles ce soir. On aura peut-être droit à un triple appel. C'est Ernest, Karine et Françoise qui vont être mis en contact. Attention, ça arrive très très vite. Le double appel et les témoignages aussi pour le sujet qu'on a lancé tout à l'heure. C'est le sujet avec Rémi. Sa meuf ne veut pas qu'il fasse de la boxe. On va trouver une solution avec Difoulé toute l'équipe, bien sûr. Tout ça retrouve juste après Designer et Panda. Designer, Panda, le double appel et les témoignages pour Rémi. Tout de suite, Radio Libre sur Sky jusqu'à minuit. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Salut, c'est Mister V. Hey, cet été, ça fout quoi? Ça va louer le gamin, ça va payer des tailles, ça va sortir en club, ça va se bourrer la gueule, ouais. Et tu comptais rentrer comment après? Tu comptais conduire? T'es con, Didier, bordel! Non, fais plutôt confiance au poteau Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène. Alors dis merci à Sam. Allez, merci Sam, c'est vraiment sympa.

Panda, panda, panda, panda. I got broads in the land. Just a dolly in the family. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Way and see, panda. Package sport, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your band. Hope killers understand me. I got broads in the land. Visit the lean in the fan. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, fan. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Tous les soirs, de 21h à minuit, Difoulé sur Skyrock. L'appel masqué, vous vous amusez bien? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Les appels masqués, j'ai pour habitude, je ne réponds pas. Le double appel de Difoul sur Skyrock. Oui, ben, allez-y. Allez, allez, vas-y, envoie ce qu'il y a, quoi. Envoie tout, envoie tout ce qu'on a, c'est parti. Famille en contact, double appel sur Skyrock. Donc Ernest, Karine, Françoise. Ouais. Très bien. On mixe les numéros que vous nous avez laissés là. A priori, ça ne répond pas. Allô? Ah. Allô? Oui, allô? Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Il est où le téléphone? Qu'est-ce que vous voulez? Oh là là, quelle saloperie! Au revoir. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bah oui, je vous écoute, moi, j'attends. Ben, c'est vous qui m'appelez, alors faudrait peut-être savoir ce que vous avez à me dire. Ah non, c'est pas moi qui vous appelle, ah, vous êtes qui, vous? Si, si, je suis désolée. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Si, c'est toi. Bon, c'est lui. Rappel. Ouais, rappel. Oh, saloperie. Donc là, on était avec Ernest et Karine, ouais, c'est bah, ça ouais. Ouais. Ernest, c'est. Ernest, c'est une bonne voix. Ouais, puis c'est la mode. Ah oui, une bonne voix, ouais. Tu sais que j'aimerais bien appeler Ernest. Tous les soirs, 21h minuit, Ernest est sur Skyrock. T'es jaloux. Bon. C'est bon, ça sonne déjà. Oui, allô ah, c'est bon. Oui, mais moi, je vous ai pas appelé. T'es en train de te faire baiser ou pas? C'est parti. Non, mais vous vous fichez de moi, c'est pas possible là. Ah ben, je sais pas, il doit y avoir quelque chose qui va pas. Moi, j'ai un monsieur. Bon, ben, là, on s'excuse mutuellement, mais j'espère que ça va pas continuer, parce que moi, je suis avec les petits bouts, j'ai pas le temps de te répondre pour rien. Allez, petits bouts. D'accord. Allez. Au revoir. Oh, puis vous me faites suer, au revoir. Non, tu fais pas suer, reste là. Vous faites chier, je crois. Là. Ah, faites chier. Après, vous faites suer, moi. Ouais, chier. Ouais, suer, c'est un truc de vieux, ça. Exactement. Vous me faites suer. Ouais, vous me faites suer, saloperie. Ma grand-mère dit ça, ouais. Bon, on retente le coup. Bah, allez, vas-y, allez. Hein, pourquoi pas. Allez, on retente le coup. Bon, pour l'instant, ça marche, hein, quand même. Hein. Ils ne comprennent absolument rien. Bah, c'est quand même le but. Ça, vive le double appel, vive quand ils comprennent rien. Vive le double appel sur Skyrock. Vive les mal comprenants, vive Cédric. Oh, moi, ça va, je comprends, t'inquiète. Ah. Bravo, Cédric. Bravo, bravo. Ah ouais, tu peux le dire. Ernest, Karine, Françoise. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Ernest, Karine, Françoise. Bon. T'as mis les. Ah non. Non, mais il y en a un qui répond pas, qui est direct sur répondeur. D'accord, j'ai dit. Ah merde. Ah oui, bon. Bon, on laisse alors. Bah. Oh, il y a les petits bouts qui dormaient, on va la faire chier. Allez, les petits bouts dormaient. On passe à la suite. On passe à qui? On passe à Joël. Enfin, je raccroche peut-être. Hop là. On l'a. C'est bon, c'est bon. Un gros bisou. Joël et Philippe. Joël et Philippe. Et Cédric fait un gros bisou petit bout, c'est mignon tout plein. Voilà. Dans le 59 et dans le 49. Pourquoi ça nous fait des voix comme ça, dis donc. Le téléphone, ça marche très bien. Voilà. C'est son numérique. Allô? Allô, allô? On est passé en HD là. Allô? Marche bien, hein? Ah, il est raccroché. Ah, et l'autre, il répond pas. Non, mais c'est le nouveau standard HD. Ah ouais. On est passé en HD aujourd'hui. Allô? Allô? Allô? Oui, bonjour. Mm-hmm. Comment allez-vous? On a bon téléphone, vous. Comment? Pourquoi vous m'appelez? Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez. Bah, je sais pas, tout à l'heure j'ai un garçon qui m'a appelé qui s'appelle Patrick et qui voulait me parler, mais je non, sais pas. Non, non, il non. Il m'a fait le même cirque que vous, il m'a dit pourquoi vous m'appelez tout ça. C'est une plaisanterie. Ah, non, ah pas du tout. Pas du tout. Alors, il faudrait cesser, madame, s'il vous plaît. Oui, en plus, ma femme est en dépression, ces temps-ci, elle est sous cachet. Et ben, vous voyez, ça la met dans tous ses ouais, états. Ouais, j'entends ça. Bonne soirée. Bah, attends, vous avez pas eu un Patrick qui vous a appelé, vous, tout à l'heure? Bah, non, désolé. Patrick. Ah, bah, attendez, il est là, vous l'entendez? Allô ouais, j'entends. Bon, je vous laisse, hein. Bonne soirée, au revoir. J'ai une bonne bite, là. Au revoir. Au revoir. À voir alors. À voir. Bah à voir alors. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Bah oui. Comment? Au revoir. Oui. Ah, tu as dit comme la dame. Est-ce que c'est bien, Romano, tu t'adaptes aux familles. On parle comme elle. Bon, alors, deux autres, Samy, c'est qui? Allez. Patrice et Aurélien. On n'aura pas le temps de faire tous les numéros que vous nous laissez, parce que alors là, ça défile. Patrice ça défile. Dans le 24, Aurélien dans le 71. Merci à Kader, merci à Schlouk sur SMS, ou Schlouk, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, merci à toi pour ton message. Et là, tu appelles donc, tu m'as dit Patrice et Aurélien. Patrice et Aurélien. 24, 71. Ah. Allô? Allô? Allô? Allô, oui. Allô, oui. On peut se baiser comme il faut, là. Allô? J'ai une bonne bite là. Allô? Allô? Oui? Oui? Vous voulez parler à qui? À personne, vous m'appelez donc. Ah non, non, c'est, ça a sonné tout seul. Ah bon? Ça a sonné tout seul. Ah oui, ça a sonné comme si on vous m'appeliez. Ah bah non, moi vous m'appelez et puis je réponds, quoi, voilà. Quoi. Ben c'est chez moi, ça a été pareil, ça a sonné, j'ai répondu. D'accord, bon. Oui, bonjour, service de télécommunication d'Orange. Oui, allô? Oui. Oui. Oui. Bonjour, messieurs, dames, vous êtes qui? Ben, j'ai pas à vous le dire. Et vous êtes qui? Moi, je suis le service de télécommunication de Orange, Orange SFR et Bouygues. Oui, oui. Alors? Et ben, Free aussi. Free. Oui, mais bien sûr, moi aussi, je suis Free. Allez, free, au revoir. Toi aussi, t'es Free, c'est cool. Free, mais t'as rien compris. Ouais, oh là. Oui. Oh, qu'il est vilain, lui. Oh, qu'il était vilain. Oh, vilain tout plein. Serge, et comme Jeanne et Serge. Ouais, bah ouais. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Alors, Jeanne et Serge, vous savez, le vieux dessin animé, ouais. Volleyball. De voler. Ouais. De voler, ouais. Jeanne, Jeanne et Serge. Ils aiment le volleyball. Allez. Bon, là, c'est Serge et Jeannine. Alors. Jeannine, c'est son petit surnom peut-être. Ouais, peut-être son prénom. Non, non, ça doit être son prénom, malheureusement pour elle. Et ouais. Il y en a qui n'ont pas de chance. Ah bah là, c'est clair, elle en fait partie, elle. Vas-y. Jeannine et Serge. Attention. Jeannine et Serge. La grande rencontre. Ah, c'est à la mode. Ça fait rêver. Ah, ouais. Bah, pour l'instant, ça répond pas. Hein. C'est que l'histoire d'amour. Eh Allô? Allô? C'est qui? C'est vous qui appelez? Non, c'est pas moi que vous appelez, madame. C'est vous qui m'appelez, là. Vous déconnez ou quoi, là? Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Oui. Mange-toi un peu. Ouais, moi, je t'emmerde, toi, connard. T'es comme dire un verre, tu vois. Absolument. Je t'appelle pas, hein, tête de con. Oh. Non, c'est vous qui nous appelez, monsieur. Ouais, bah, moi, je t'emmerde. Eh ben, moi et moi, alors, c'est pisse au cul, hein. Ouais, va te faire faute. Le loup? Allô? Ouais, alors? Le loup? Ouais, laisse tomber, je suis rien à vous. Le loup? Allô? Ouais, allô, allez, va te faire foutre, connard. Non, elle est craquée. Oh merde, son père. Va te faire foutre, connard. Jeannine, elle est en forme. Hein. Ah, j'ai chaud. Va te faire foutre, t'es connard. Bonjour tout le monde. Bonjour ça à va toi. Bien. Salut, Anne. Bienvenue sur Skate. T'es à Nantes, hein, toi, Anne, c'est ça? Ouais, moi je suis à Nantes, c'est ça. Et t'as un mec qui fait un sport dangereux. C'est quoi le sport dangereux qui fait alors, ton mec? Alors, moi c'est mon ex et il faisait du sport en cage. Du sport en cage? Enfin, cage. Du... C'est quoi la boxe c'est, en cage. C'était que non dans la cage. C'est aux zoo que ça se passe. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un combat de gorille. C'est quoi, de l'ultimate fighting? Du MMA, là? Je sais pas, je sais juste qu'il en faisait. Bon, moi, après, j'en savais pas trop non plus. Mais moi, je tolérais. Enfin. Oui, parce que c'est sa passion. Mais t'avais pas peur pour lui quand il faisait un combat? Bah, sachant que j'ai fait de la boxe. Ah, t'as voilà. Fait, oui. Ah ouais, d'accord. On est tombé sur un couple qu'il faut pas emmerder. Mais tu vas le voir. T'as été le voir c'est dans... clair, vous deux, c'est. T'as été le voir dans sa cage? Non, je suis jamais allée le voir parce que bon, bah, vu qu'il y a un verre, on se le cache pas. Moi, j'y allais pas du coup. Hein. Et mais je savais pas trop où il faisait ça. Mais bon, après, moi, ça me dérange pas. Il est plusieurs fois cassé, et puis voilà. Mais il revenait à mocher. Oui, il arrivait avec la tête. Ouais, il revenait à mocher, des fois. Il se faisait tabasser. Bah, ouais. Des fois, oui. Mais vous, bah, êtes... oui. Mais vous êtes qui, monsieur? Je ne vous reconnais pas. Je suis ton chéri, Anne. T'es gonflé, ouais. Il y a Marine qui dit qu'il y a des avantages quand même. Mon copain, il fait de la boxe et il m'apprend les défenses. Ça, c'est de la frappe. C'est le cas de le dire, c'est de la frappe. Il t'apprend à faire de. Vous en faites à la maison de l'Ultimate Fighting? Vous vous boxez entre vous? Ah, Anne. Ah mais non parce que je suis plus avec donc de toute façon comme ça, voilà. Et à d'accord. La fin, vous êtes boxé à la fin de la relation. Mais non on n'en faisait pas ensemble non. Bah, non. C'est mieux. C'est mieux mais ah si bah. si vous êtes séparés c'est pas à cause de ça toi. Non, pas du tout. Donc toi tu lancerais un message à la copine de Rémi, tu vois elle te soutient une fille qui te soutient Rémi. Il faut continuer ta passion. Ah ouais pour moi il faut qu'il continue si c'est sa passion. Enfin après moi je sais que j'ai arrêté la boxe parce que j'ai pas trouvé de club sur Nantes et franchement mais c'est super bien la boxe faut pas qu'il arrête. Et puis si sa copine, bah, elle l'aime, bah, elle comprendra. C'est elle sa le passion, prend avec sa passion. Avoir... C'est ça. Mais toi, elle doit avoir une passion, elle aussi. Et puis voilà. Après, ouais. c'est pas tous les jours qu'on fait casser le nez non plus. Hein. Après, on a bah, des choses. Toi, tu t'es zen, toi. J'espère pour toi, Rémi. Tu l'as encore ton nez, Anne? Oui, moi je l'ai toujours, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, t'as jamais eu de grosse galère, un truc, une blessure ou quoi, non? Non, non, non. Ah, bah, heureusement. Bon, tant mieux, hein. Bah oui, oui. Oui, bah écoute, oui, tant c'est mieux. C'est quand même mieux comme ça. C'est mieux que tu aies encore tout, oui, tout ton visage. Bon, attendez, il y a Sylvain aussi qui nous appelle. Seb également avec nous en direct. Bonjour Sylvain, bonjour Seb, salut tous les deux. Allez. Bonjour, bonjour. Salut allez. Les gars, bon, je les présente les boxeurs, mmh. Anne, Rémi. Ouais. Et vous avez connu le même problème avec votre copine, Sylvain? T'as eu la même chose, toi? Ouais, pareil. Pareil, et toi, Seb? Moi pareil aussi, Qu'est-ce qui t'est arrivé, Seb? Ta copine, elle aimait pas que tu fasses de la boxe? Ouais, pas du tout, elle aimait pas ça. Je rentrais ce soir, donc elle aimait pas ça. Donc, puis voilà, bah, après... voilà, en fait, c'est pour nous protéger qu'elles font ça. Il y a Alex qui nous laisse un message, qui est rugbyman dans le 31, ah bah, du côté de Toulouse, c'est un peu la région, tu vas me dire. Et sa meuf, elle aimait pas que je fasse du rugby, ma meuf, car elle avait peur que je me fasse mal. C'est vrai que quand je revenais, j'étais plein d'égratignures après les matchs. Ah mais les rugbyman ils ont de cette oreille, ouais, ma gueule aussi. Tu peux t'abîmer les oreilles, c'était rugbyman. Ouais, rugby c'est un truc man. De ouf. Bah tout. Hein. Ouais, moi qu'avant quand même. Hein. Souffleur. Et comment t'as géré ça toi, Seb, par rapport à ta meuf? Bah bon, après j'ai voilà, moi je en fait j'allais à l'entraînement, puis je m'occupais pas d'elle quoi. Voilà. Ouais, tu vivais ta passion et tu l'as laissé gueuler. Mais à un moment donné, elle s'est barrée, non? Non, pas du tout. Non, ah non, elle est restée. Ah ouais. T'es toujours avec elle. Voilà. Très bien. Et toi Sylvain, même problème avec ta meuf pareil? Ouais, j'ai eu pareil, même à la rue Sainte-Thérèse. Ah, toi, t'as arrêté. Donc, on a deux cas différents. Donc, t'as Seb qui lui a continué parce que rien à foutre de la vie de sa meuf. C'est ta passion. Tu continues. Au final, voilà. Et toi, Seb, t'as arrêté parce qu'elle t'a demandé d'arrêter ta meuf. Ouais. Oui, mais encore. Parce que c'est un peu court. Ouais, mais attends, le pauvre, il est au bout du rouleau. Il a arrêté la boxe. Il sort ouais, pas. Limite du suicide, quoi. Ah, ouais, ça te manque ta passion. Ouais, ça me manque quand même. Mais bon, la peur que je revienne blessée et tout. Donc, elle fait ça pour mon bien, quoi, limite. Ouais, après bon, c'est un sport comme un autre, hein, de faire de la boxe. Ah, quand même, ouais, c'est bah ouais. Violent comme un autre. Mais tu tapes quand même, c'est sur quand même la pas, gueule, hein. c'est quand même pas du ping-pong. Tu ne t'es jamais pris une balle de ping-pong dans l'œil, Romano? Non, mais oui, non, mais d'accord, mais en soi, c'est quand même plus violent à la base comme sport. Tu ne t'es jamais. Il y a des sports, c'est plus violent que d'autres, quoi. Moi, la boxe, ça me fait peur. Et attends, imagine au ping-pong, le mec qui est en face de toi, il pète un câble, il t'envoie la raquette dans la gueule. Ouais, ça fait pas plus mal qu'un coup de poing. Ça peut faire mal, ça. Non, mais tu vois, par exemple, moi, la boxe, j'aurais peur de me faire déplacer le cerveau, tu vois. Quand prendre entre moi, j'en ai pas de risque. Ouais, pas de problème. Non, mais tu sais, parce que forcément, ton cerveau, il doit taper dans la boîte crânienne tellement tu te prends des gros. Ouais, mais c'est pour ça que souvent, les boxeurs, ils ont des maladies à la fin, tu vois. Ouais, comme maladie d'Alzheimer, des trucs comme ça, mais c'est vrai, ouais. Ah ouais, bah écoute, raison de plus, tu sais, ça me donne envie encore plus. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parkinson, les maladies d'Alzheimer. Ah non, mais moi, ça m'étonne pas, t'en prends plein la caboche, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. À force de taper, le cerveau, il tape contre la boîte crânienne. Ah non, mais c'est normal, ouais, tu vois, ça m'étonne pas. J'espère qu'elle a pas écouté cette partie de l'émission, Rémi, ta meuf, sinon elle va être. Ah bah elle va pas te lâcher. Elle va pas te lâcher. Hein. Ouais, bon, c'est clair. On va faire un petit vote. De toute façon, voilà, c'est tout. Hein, c'est... Moi, j'ai envie de recommencer, puis c'est tout, je recommencerai. Je sais que j'y arriverai. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il doit faire sa passion à fond? Moi, je dis oui. Mais regarde, ouais, Tipoul, ouais. Fallait que je te dise un truc. En fait, tu vois, quand t'es boxeur amateur, t'as un casque quand même sur la tête, un casque de protection. Ouais. C'est mieux. Ouais. Donc voilà, ça évite les Romano. Voilà, ça évite tout ce qui est de taper le cerveau, tout ça. Et non, parce que ça évite pas les chocs. Tiens, quand, ouais, tu, te prends, quand ouais. tu te prends un pain, ouais, t'as beau avoir un casque. Plus quand même. Oui, donc, il y a moins de crainte à avoir. C'est vrai, ouais. Non, mais ouais, t'as moins de. Par exemple, tu te retrouves moins souvent avec des arcades éclatées ou. Ouais, voilà. Un truc comme ça. Mais comme c'est dit full, je pense que le cerveau, moi, à l'intérieur, il tape autant. Commotion cérébrale, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est ton cerveau qui bouge, en fait. Ouais, c'est normal. À l'intérieur, il prend des pètes. Avec les beignes. Tes parois. Ouais, tu peux être paralysé. Avec les beignes qui se prennent, ça m'étonne pas. Commotion cérébrale. Il touche le crâne. Ah, les mecs, ils ont la tête, elle décolle des fois. Ouais, mais bon, nous, en vrai, on est des boxeurs amateurs, on n'est pas Mike Tyson non plus, tu vois. Ouais, bah j'imagine. On va pas tomber une vache en un coup de poing. C'est ah, bon, chez Mike Tyson, il a semé une vache en un coup de poing. Ouais, en une patate, il l'a fait dormir. Ouais. Voilà, bam, la vache. Voilà, c'est ça. Ah, puis il bouffe les oreilles des adversaires, lui. Ça, c'est horrible pour la vache. C'était le cannibale, Mike Tyson. C'est ah, le mec c'est vrai, il avait bouffé une oreille, ouais. Oui. Je m'en souviens. Ouais, il a croqué une oreille d'un gars. Mais lui, il doit être un peu arraché, lui. Tiens, là, déjà, t'as vu, là, le mec s'est fait tatouer la gueule et tout, quoi. Ouais, t'as touché le visage. C'est un pouf furieux. Ah bah Mike Tyson, faut pas l'emmerder, oui. Ah, j'aimerais pas le mettre en colère. Ouais, c'est clair. Vous devriez plutôt. Imagine ses enfants, comment ils doivent avoir peur de lui quand même. Ah ouais, c'est clair. Imagine de les boxer. T'as un daron comme ça, oui, tu évites de le faire chier. Imagine, tu ramènes à zéro ou une exclusion. Ah bah, il t'arrache une oreille. Ouais. À la bouche. Tu vas en cours, tu loupes pas les cours, tu fais pas le concours, tu fais tous tes devoirs, tu fais tout, t'as pas de problème avec un papa comme Mike Tyson, ouais. Tiens, il y a la bûche qui nous dit, moi, c'est ma meuf qui fait du rugby. Ça va être bizarre d'avoir une meuf qui fait du rugby. Mais bon, pourquoi pas? La passion peut se transformer en boulot. Peut-être que tu seras boxeur un jour. Bon, c'est pas sûr, tu vois ça pour non, je pense pas non plus. Bon, et Samy, il faut continuer la passion. Moi, je pense qu'il faut continuer parce que t'es comme ça, donc elle t'aime comme ça. Puis voilà, ça fait partie de toi. Après, tu vas arrêter ton sport, tu vas être badeux. J'ai ça dans le sang. Tu vois, j'ai ça dans le sang. Ah voilà, tu auras peut-être du sang sur la gueule. Non, mais j'ai la boxe dans le sang, quoi. C'est comme continue. Ça, c'est tout. Eh ben, continue. Non, mais ça s'entend que t'es passionné, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Suis le conseil de Anne. Merci pour le conseil, Anne, en tout cas. C'est gentil. Hein, tu as soutenu, mamie. Merci, Anne. Ouais. Mais de rien, mais il faut qu'il continue, hein, ça c'est clair. Nabil, il le regrettera. Et Seb. Tu dis qu'il va s'envoyer avec sa meuf, il va lui mettre à la gueule, tu vois. Seb aussi, j'ai arrêté ma passion. Tu vois, je me pose une question. Je me dis, j'ai déjà 20 ans. Si je commence encore à attendre, c'est pas à 40 ans que je vais boxer, tu vois. Quand je serai rouillé et tout, là, c'est mort, c'est fini. Rouillé à 40 ans. Faut s'entretenir. Non, mais voilà, quand tu fais de la boxe, voilà, à 40 ans, tu boxes plus, quoi. C'est comme les joueurs de foot. Eh, il faut garder la forme. Bon, bah, en tout cas, merci pour les témoignages. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Vous êtes à peu près d'accord avec nous. C'est ta passion, il faut continuer. Même si j'aurais peur pour mon chéri, nous dit Soprana sur SMS. Gros bisous à toi, Soprana. Sur la direction pour le pyromane Sabri, on a une espèce de danger public ouais, qui arrive. Ouais, c'est bien, on en avait un, on se retrouvait avec deux. Oui. Il s'appelle Denis, il est à Pontoise et il a 37 ans et on va le retrouver dans un instant. T'es là, Denis? Ouais, je suis là. Alors, Denis est complètement taré dans ta tête? Non, c'est pas moi. Non, mais tu vas tout nous expliquer, Denis. On m'a dit que t'étais un danger public, moi. Non, c'est pas moi. J'ai fait de la garde à vue à cause d'un mec qui a foutu. D'accord. Foutu le feu. Explique-nous, puis t'es un danger public. On aimerait savoir pourquoi t'es un danger public. À quoi t'as foutu le feu? J'ai flippé. Alors, ouais, non. L'histoire, c'est pas moi qui ai foutu le feu, Leclerc. Non, manque de chance. Leclerc, c'était un vieux Leclerc désinfecté aux côtés du CFA d'Arnouville, les connaissent, pour ceux qui connaissent, c'est tout. Mais le Leclerc, il était vide, il était fini. Ouais, il était vide et tout. Il était complètement vide. Même si c'est vide, t'as pas le droit de cramer un bâtiment vide. Ah ouais? Non, le truc, il est pas là. C'est que nous, moi, vu que le CFA d'Arnouville, moi, j'étais en boulangerie là-bas et tout, j'étais en pause et tout avec des potes et tout. On avait l'intention d'aller fumer un petit bédo avec des potes. Moi, je te prendrais pas comme boulanger parce que tu devais faire du pain grillé, toi. Carbonisé même. Mais hey, ça date de 20 ans, il y a plus de 20 ans. Hein, de ça, de t'avais 17 histoire. Ans à l'époque, toi. Voilà, à peu près, j'avais 17-18 ans, même pas, ouais, j'avais à peine 16-18 ans et tout, parce que je suis né le même jour que Romano. Oh, c'est le 11 février. Ouais, le 11 février 79, et on a été ensemble à l'île de Ré, tous les deux. Ah ouais, oh, ouais. Est-ce que tu connais, c'est quoi ton prénom Denis. Et tu connais pas une meuf qui est toute verte et qui s'appelle l'huître? Non, j'ai connu la tortue. Ah, non, voilà. Mais non. Tu connais tête de tortue. Impossible, parce que le tête de tortue, c'était à Autun, ça. Non, mais ça, je sais. Mais on s'est connus. Ah oui, mais on s'est connus où? À quel camping? Alors, camping de la Providence, au camping de la Redoute. Ouais, la Redoute. À côté de la Vierge. Ouais, tu connais. Le camping de la Redoute, à côté de la Vierge. Est-ce que vous avez également les campings des Trois Suisses? Non. Ouais. Le camping des Trois Suisses à côté de Jésus. Romano connaît très bien. Non, mais je connais, ouais. Mais je vois pas qui t'es, mais c'est avec le petit bloco, c'est tout, qui est juste derrière la petite Vierge. Ah oui, ouais, donc on doit se connaître, oui. Ouais. Vas-y, je t'en prends en antenne. Tu m'as expliqué en détail. Je pense, ouais, y a pas de problème. Il a pas de sortie de non, mais parce que je. Non, mais je. Oui, on doit se connaître, mais. Tu vois, rappelle ça, ça fait un moment et ouais, je vois pas qui t'es, mais à mon avis, quand tu vas te décrire, je vais y retrouver. Non, mais je pense pas parce que ça fait des années. Oui, non, mais j'ai quand même. J'ai pas Alzheimer, donc je peux quand même. Non, mais moi non plus, c'est clair. Non, c'est clair et net, mais ouais, il devrait, ouais, depuis que je suis bébé. Et donc, entre temps, tu as fait brûler un Leclerc, comme ça. Ouais, entre temps, mon pote a fait cramer un super Leclerc et tout, super intelligent d'avoir fait cramer un Leclerc. Comment il a fait? Bah, le truc, c'est en plus de ça, c'est que Leclerc était surveillé par les stupes et la BAC, etc., pour du trafic d'armes et de stupéfiants, etc. Mais ça manque de chance. Ouais, mais ça manque de chance. Nous, on le savait pas, ils étaient en planque. Ces connards, ils étaient en planque. Donc nous, on était là-bas tranquillement en train de fumer notre bédo et tout, tranquille en pause. On s'arrête, on fume. Moi, je me casse. Et manque de chance, j'avais pas vu que mon connard de pâte avait foutu le feu. Il avait foutu une petite bombe de peinture, comme l'auto-auditeur et tout qu'il avait dit tout à l'heure. Bah ouais, tu vois comme toi, Sabri. Attention, les bombes de peinture, les amis. Super intelligent. Donc le mec il met le feu et tout, il fout la bombe dedans, personne ne le savait, on était quatre, et les quatre connards, et nous on se casse et tout. tranquille. Et là, on entend un putain de boum. Tranquille, boum. Nous, on retourne au bahut. Ni vu ni connu, tranquille, on savait rien. Et là, on voit qui ? Les putains de keufs arriver et qui font « Toi, toi, toi, toi, toi, toi, vous nous suivez. » Et là, putain de garde à vue, pourquoi ? Parce qu'on était à deux doigts de cramer des putains de bâtards de keufs en train de surveiller le putain de clair. Oui, alors, juste pour te préciser, ils faisaient quand même leur boulot. Oui, les mecs. Ouais, je sais. À la limite, heureusement qu'ils étaient là, sinon qu'ils le feu à tout le quartier. Ah ouais, clairement. Non, mais ouais, ouais. Là, j'en veux plus, j'en voulais plus à l'autre enculé de voir qui avait foutu le feu dans notre dos pendant que nous, on était partis, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. Toi, moi j'en aurais plus voulu à mon pote clair. Aussi. Non, mais oui, les keufs, eux, ils faisaient leur travail. Bah, c'est leur taf, ouais. Bah, heureusement bon, qu'ils pas étaient de là. Ouais, heureusement quelque part qu'ils étaient là, sinon, voilà le drame, quoi. Ouais, c'est clair, sauf que manque de chance, bah voilà, je me suis quand même tapé 48 heures de garde à vue à Gonesse, alors que j'habite à Pontoise. Ah, bah tiens, il y a un Mickaël là qui se souvient, l'ancien Leclerc à Arnouville, c'est vrai en plus, j'en m'en souviens. Quel souvenir. Ouais. Ah ouais. Bête de souvenir. Ça a marqué tout le quartier, tout le coin. Ah ouais, bah oui, c'est clair, c'était en 95-96 à peu près. Ah ouais, tu t'es calmé depuis, après ça t'a vacciné définitivement contre le feu, non? Ah mais carrément. Maintenant tu bouffes tout 48... cru. Non, carrément, même mes enfants et tout, je leur demande et tout de faire attention avec le feu et de manger tout cru quoi. Ouais. Ah donc oui, on carrément. On a une base de sushis maintenant, ouais, on mange que des sushis, toute la fin de journée on est sushis, le matin des petits déjeuners sushis, oh, bon sushi. Oh, bon dos, monsieur. C'est pas cuit. Ouais, ma femme maintenant, je l'appelle Madame Bézigu. Madame Bézigu. Ça va bien, mais triste, t'as quand même quelques séquelles cérébrales. Ouais, un petit peu, ouais, mais ça, c'est l'air de l'huile de Ré et puis l'air de Gonesse aussi qui me fait ça. Ouais, quoi. Et des bars, ouais. Et ouais, les bars aussi, ouais. C'est vrai qu'ils sont en train de me provoquer ici, là, c'est-à-dire qu'ils m'ont amené la petite bouteille avec de l'alcool dedans. Et ça, je peux pas résister, ça me rend dingue. Ouais, allez, mais vas-y, fais gaffe de pas foutre le feu. Alors, tiens, on peut le diffuser en live sur le Facebook. Ouais. Alors, tu veux diffuser live sur Facebook de Skyrock, Skyrock ouais. FM. Ah, attends. Et quelqu'un peut faire un périscope aussi. Alors, ça y est. Parce que tu me prends pour un artiste, Romano, non? Non, le péri. T'as pas été à la foire, si tu vas passer pour un con. Un artiste de feu. Vas-y, Romain, tu connais, tu diffuses sur Facebook. Alors, vous allez voir ce que je vais faire. Toi qui es pyromane, tu vas être excité, Sabri. Ne le faites pas chez vous, bien sûr. Cédric, tu flippes. Et attention. Non, mais te connaissant, Difool va nous faire un show pyromanie. Mais tu vas nous brûler la radio, il va nous brûler le plafond, il va prendre feu, gros. Attention. Est-ce que c'est des mousses? Difool va nous proposer son spectacle pyrotechnique. Oui. Oui, telle la statue de la liberté. C'est ça, man. Plus fort que les feux d'artifice les plus beaux du monde, par exemple celui de la Tour Eiffel. Exactement. Eh bien, ce soir, Difool nous régale. Je brandis. Avec une flamme. Difool. Je brandis la torche. C'est la flamme olympique. Alors, je vais écrire Skyrock avec ça. Vous allez voir, ça va être magnifique. Hop. S. Je vais écrire Sky, ce sera ça va partir en couille. À Sky. Ouais. Karim, moi je te préviens, si ça prend feu, je me barre. Attention. T'es excité, Sabri, ouais. Ou pas? Ouais, c'est bien ça, Cédric, bonne idée. Pourquoi vous prenez un extincteur? Vous n'avez pas confiance en moi? Alors, attention. Cédric, il a pris un extincteur. Vous êtes prêts? C'est parti. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Oh putain, mon micro. Attends, ça prend feu. Oh putain. Fais gaffe, les bouteilles. Tête de con, hein. Oh mais non, pas avec le papier. Mais attends, t'es en train de... Mais qu'est-ce que tu fais, le belge? T'es con ou quoi? Cédric, t'as cassé mon œuvre d'art. T'as pas vu le truc, il prenait feu, gros. Espèce de malade. Non mais en plus, ce con de Difool, il fait tomber la bouteille d'alcool dans les flammes. Eh, je vous conseille de ne jouer jamais avec le feu. Vas-y, tu veux pas le refaire? C'est dangereux. Non, je refais pas. C'est dangereux. Putain, la table est toute chaude. Non mais t'es complètement... T'es con toi aussi. Eh, Difool, j'ai une meilleure idée. Tu veux pas le faire? Tu veux pas le faire sur la moquette? Hein? Ah, mais elle a fondu la table. Non mais fais-le sur la moquette. Ah ouais, c'est dangereux, faut pas le faire, hein. Tu sais où c'est qu'on peut le faire et que ça craint pas du tout, c'est sur le sol, ouais. Ah ouais, ouais, dans le couloir. Et on a déjà fait franchement une flamme d'au moins 10 mètres. Ah ouais, je peux le faire. Ah, tu fais juste un trait comme ça de 10 mètres, t'allumes au début, ça fait fou. Ouais, oui. Tout ton dos, ça a pris feu. Vas-y, je vais le faire. Non, Romano, tu ne joues pas avec le feu, je ne veux pas que tu prennes feu. Non mais je veux juste la du trait. Ah mais ça craint rien, c'est du fer, ça brûle pas, tu peux le... T'as déjà les cheveux qui ont pris feu, Romano. Fais du trait. Ah mais là ça sent le plastique brûlé. Bah ouais, on a failli prendre feu. Sabri, calme-toi avec le feu, je t'assure, sérieux. Ah ouais. Ouais, ça fait peur. Marie est terrorisée. Mais non, je suis là, Marie. T'as vu, j'ai réussi à éteindre le feu sans aucun problème. Ouais, ouais, bah super, sûr. Mais attends, attends, moi, je vais faire ton dossier, truc, tu l'as complètement cramé là. Heureusement que je t'ai mis un coup d'extincteur, mon pote. Ah, attends, Cédric, viens. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça y est, il y va. Ah. Moi, je vais sécurité incendie, moi. Attends, ouais. Cédric, sécurité incendie. Donc, il faut vous soigner, il faut aller voir des psys, on nous dit. Alors, attention. Ah, mais thérapeute direct. Romano, je crois que t'es un malade, faut faire comme Sabri. Sabri, t'es là? Attends, oui. T'es excité ou pas? Ah ouais. Ouais, c'est l'autre. On a failli foutre le feu à la radio. Ah ouais, il est content. Et Sabri est surexcité. Quand même un truc de fou, ça. Ah, ça pue. Non, mais calme-toi, hein, Sabri. Parce que attention. Toi, t'as failli prendre feu, t'as failli te faire exploser un truc à la gueule, faut faire attention. Maintenant, c'est à Romano de prendre feu. Ça va voir, dit foule. Attention. Alors, vas-y, Romano. Attention. Attention. Absolument pas. Alors, t'as un mauvais pyromane, toi. Et t'as écrit quoi? C'est de la merde, ça marche pas. J'ai fait un trait, si, c'est magnifique. Regarde, ça fait comme un domino. Ça, oh, c'est beau. T'as vu? Mais t'en as pas mis assez. Oh, c'est, vas-y, beau. Oh, c'est magnifique. Dessus, regarde, ça, c'est un vrai effet pyrotechnique. Regarde. Ouais. Oh, c'est beau. Sans les saucisses, Marie. Marie. Sans les barbecues dans le couloir. Oh, c'est beau, c'est beau. J'ai pas de saucisses. Ouais, c'est beau. Hein. Ah, que l'on protège la Marie. Ça commence à faire bien chaud. Merci. Déjà, il y a la sécu qui arrive. C'est bon, les gars, il n'y a rien. Le mec, il fait le bonhomme là au bout du sous-couloir. Là. On va encore. Et la sécu incendie à Skyrock. Bon, on l'a déjà fait partir l'alarme. Hein. Ah. C'est Cédric. Eh, Cédric, c'est le daron. Voilà, fini de jouer, j'éteins tout. Alors. Bravo, Cédric. Voilà, tout le monde rentre dans le studio, fini. Bravo, Cédric. Fini de jouer. Ah, mais faire gaffe, ça chauffait grave. Le mec normal. Casseur d'ambiance. Le mec, ouais, c'est le mec qui casse pas fini. On l'a fini, les enfants de jouer. C'est genre, tu joues au ballon, le mec, il arrive, il crève ton ballon. Ouais, c'est ça. Ouais, mais allez, rentrez, les gosses. De faire la peinture, les mecs. Là, il l'a fait pour votre bien. C'est pour votre sécurité, les gars. Bon, et je précise à ceux qui ont fait les nouveaux studios de Skyrock et qui ont refait les couloirs et tout ça. Qu'on a rien abîmé, non, du rien. Tout. Pour Julia, bon ben Julia, tout le monde est d'accord, ou presque. Bon, t'as beau être marié, t'as beau avoir la famille qui te met la pression. Si t'aimes plus quelqu'un, eh ben il faut plus vivre avec. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Moi, je prends ma fille et je me casse. Moi, je me casse de chez lui. T'habites chez elle? Ah, bonne question, tiens. Elle habite chez elle? T'habites chez toi ou t'habites chez lui, Julia? C'est notre appart à nous. Votre appart à nous, ouais. Et c'est vrai que de s'être marié, ça vous a causé plein de problèmes. C'est-à-dire que vous partagez un appart, vous devez divorcer. Non, mais l'appart, tu le loues ou il a acheté? Non, non, il est en location. Ah bah voilà, bah tu te barres et puis oui, terminé. Tu peux trouver un autre endroit. Non mais de toute façon, oui, tu trouves un autre endroit, toi tu payes plus ta part de loyer et puis terminé quoi. Oui, c'est vrai, mais bon. Ah bon, ouais. C'était les bons conseils financiers de Romain. Non mais après, ouais, c'est un peu un coup de pute pour lui, mais bon. Ah mais j'ai une question quand tu divorces. Toujours pratique, Romano. Faut que les deux soient d'accord. Je crois. Hein. Quand tu quoi? Quand tu divorces, est-ce que faut que les deux parties soient d'accord? Bah quand on fait un divorce à l'amiable, oui, faut qu'on soit d'accord tous les deux. Voilà, sinon après c'est. Ah mais lui il voudra jamais, il va te mettre dans la merde. Bah après, sinon après il y a des délais, tu vois. Ah ouais, sinon c'est le bordel avec les procès, tout ça. Exactement. Sinon en fait, faut qu'elle parte de la maison. Faut prouver qu'il t'a trompé ou que je sais pas quoi. Non mais pas non. Sinon faut qu'elle parte de la maison pendant un certain temps, qu'elle fasse constater qu'elle est plus dans la maison. Et là à partir de là, elle peut entamer une procédure. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai un pote à moi, il a vécu ça, c'est une galère de ouf. Voilà, il faut qu'elle voit. De partir de la maison directement? Non, pour le divorce en fait. Bah, séparez-vous déjà avant de divorcer. Il faut prouver que vous n'êtes plus ensemble, ouais, tu vois. Vous êtes séparés. Parce que pour divorcer, il faut prouver que tu n'es plus avec la personne. Il y a Grégoire, 17 ans, qui a ses parents qui divorcent. Je n'explique pas le bordel dans la famille. Bon courage à elle. Ah, c'est, bah, c'est gentil, Grégoire. Merci. Ah, c'est l'enfer. Hein, merci bon à toi. C'est gentil, ouais. Bah, surtout s'il ne veut pas après, lui divorcer. C'est clair que, comme j'ai déjà dit à ma mère, j'ai pas envie de me réveiller à 40 ans avec des regrets, de me dire, mais qu'est-ce que je fous là. Callaghan propose de la mort au rat. Non, Callaghan, on ne fait pas de la mort au rat ici. Non, mais explique-lui que c'est fini. Et puis, Non, mais elle l'a déjà expliqué. Non, mais je me pose avec lui, je lui ai dit que je n'aimais plus, que bah je prends déjà compte que je sors tout le temps, je découche, enfin, au bout d'un moment, enfin, je sais pas quoi. Casse-toi une semaine, on nous disait, mais tu peux même te casser plus que ça, ou alors, comme je disais, prendre un appartement. Hein. Tu prends un appartement, et comme ça, tu t'en vas, tu le bah, et si t'as les moyens, tu taffes? Ah oui, je suis en CDI, j'ai un boulot, c'est moi qui gère tout l'appartement ici, hein, il paye rien avec moi. Ah, c'est toi qui paye tout? Ah putain, mais pas encore plus. Je comprends pourquoi il veut pas se barrer, lui. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ouais, l'autre, il a un hôtel en fait. Pas cher, bah non, c'est moi qui gère tout, donc. Ah bah voilà, bah tant pis pour sa gueule, hein, toi tu te barres et il se débrouille. Hein. De téléphone et c'est pas un gratteur, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais. Non, bah il se trouvait que toi tu gagnais plus d'argent que lui, que c'est toi qui as payé, c'est comme ça en fait. C'est juste que. Bah lui pendant longtemps il a pas travaillé, c'est moi qui ai tout géré, puis on dirait que c'est devenu quelque chose de normal pour lui, quoi, donc. Mais là il retravaille là ou. Bah ça fait deux mois qu'il retravaille, mais. Mais il paye toujours pas. Non. Et non, voilà. Attends. Il se remet dans le bain, quoi. Il est pas con. Bah, il se refait un peu, attends. Voilà, la vie est trop courte pour perdre du temps avec des trucs comme ça. T'es pas heureuse avec lui. Voilà. C'est clair. Tiens, tu supportes plus si t'en es à plus voir. C'est l'angoisse. Voir sa gueule. Moi, je l'ai vécu, c'est infernal. Il y a Batman, il a 17 ans, lui aussi. Ça, t'es dégoûté. Il a ses parents qui divorcent et je peux t'expliquer. Je peux dire que c'est la même chose que toi. C'est compliqué parce qu'il y a le papa qui veut rester, la maman qui veut s'en aller. Ah putain, ça va être horrible. Et depuis, c'est dur, il nous dit. Il y a princesse algérienne là qui te dit il veut pas te quitter parce que tu l'assistes, il est trop bien, c'est tout. Bah c'est vrai quand même. C'est vrai qu'il y a ça, ouais. C'est mieux que les aides de l'État. Mais qu'il a aucun document à remplir, tu le payes tout. Si elle est pas heureuse, qu'elle divorce, qu'elle déménage, c'est message de Miss 42. Salut Miss 42. Moi je saurais quoi faire, me casser tout de suite et ne pas perdre de temps avec ce mec. Ça sert à rien de continuer à vivre dans le mensonge. Votre fille doit le sentir, c'est pas comme ça qu'elle serait heureuse. Message de Catwoman, 21 ans. Ça c'est sûr. En Mayenne. Ouais, et puis du coup, t'en profites moi parce que toi, c'est tout le temps en train de te barrer. Si t'es en manque, il y a Tweets qui vient de nous laisser un message et qui prête rendre service d'ailleurs. On le remercie. Merci Tweets. Parce qu'il a bien entendu que tu n'étais plus amoureux avec lui, donc Tweets se propose et c'est ça. La Sky Solidarité, merci à vous. Et on va te filer le numéro de Nanou. Ouais. Parce qu'en fait, aussi, Nanou, elle nous laisse un message. Ah, c'est une fille. Vous pouvez laisser mes coordonnées à l'auditrice. Ma tante a su imposer à sa famille sans rester brouillée avec eux. Donc en fait, c'est la même histoire que toi qui arrive à sa tante. Bon, et a priori, elle peut te donner des conseils hors antenne. Eh ben, c'est gentil. Merci Nanou, on t'embrasse. Ah, bah ouais, c'est cool, ouais. Bon, on te fait un gros bisou, Julia. Tu nous tiens au courant de la suite de l'histoire. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour votre temps, pour les conseils. Et merci à toi. Bon, et encore, courage, surtout, une petite dédicace à Momo. Merci, Julia. On te fait un gros bisou. Eh ben, gros bisou. Salut Jules. Salut Jules. Ciao. Bisous. Tous les soirs, viens toi aussi rejoindre la plus grande radio libre de France. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et sur Skyrock, Radio Libre jusqu'à minuit avec Margot qui débarque. C'est une amie de Marie de la Radio Libre. Elle va nous parler des rencontres qu'elle a fait sur Tinder. Et attention, il n'y a pas que du joli. Et vu que c'est la reprise de la Ligue 1, demain on va parler de sport avec Thomas, un auditeur qui a créé une application pour gagner de la thune avec des paris sportifs. Default sur Skyrock dès 21h tout l'été. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Un show unique organisé par Sam. Ça, c'est bien. Et seulement pour les auditeurs de Skyrock. Aujourd'hui sur Skyrock, on reçoit un rappeur du 8-3, c'est MTTW, t'es prêt? Ok, alors balance le beat. Vas-y, balance. Et écoute Skyrock toute la journée. On voit Roulette au 7-20-20. Il gagne tes places pour voir Mister V, Hugo tout seul, Malcolm to the World, Mike, Jérémy, Hakim et Youssoupha. Eux, c'est le Whoop. Rien que pour toi, le 16 septembre à Paris avec Skyrock. Ouais. Spectacle du Whoop Game. Le show exceptionnel du Whoop en exclu pour Skyrock. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci Sam. Rien que pour les beaux yeux de Sam, celui qui te raccompagne chez toi après les soirées. Comme ça tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le Whoop sur scène. Et ça c'est bien, ok? Suicide Squad, le son du film événement avec Lil Wayne, Wiz Khalifa, Rick Ross, 21 Pilots. Suicide Squad, à découvrir dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com. Fnac. Allez, à toi Jérém, je suis sûr que t'es un mec marrant. Ok. Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est en vacances et Stop. T'en as marre de raconter des blagues pourries? Télécharge Yax. YAX. Yax, c'est l'appli pour délirer et faire marrer tes potes. Dépêche-toi. Le peuple Yax t'attend. Yax. YAX. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Drake. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, I'm way too good to you. Drake, nouvel album Views, disponible. Default Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Un petit tour à Marseille, Alonso Binta sur Skyrock, premier sur le rap. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Et boule sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a peur de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Bonjour Margot. Salut, comment vous allez? Eh bien écoute, nous ça va bien. Eh bien ça va bien Margot. Bienvenue sur Skyrock. Ça va? Je voulais... Oui, ça va bien Margot. Je voulais quand même te poser une petite question avant que tu nous expliques les... qu'est-ce que tu as rencontré sur, sur Tinder. Il y a d'ailleurs, il y a la Cosa Nostra qui nous dit: pour une meuf draguée sur Tinder, attention, c'est chaud. Il te prévient, il a ses causes d'un stress. Je tombe que sur des tarés, moi. Ah, tu vas nous raconter les tarés sur lesquels t'es tombé. Peut-être qui se ressemble, s'assemble. Eh, moi, j'aimerais bien voir ton profil, tiens. Mais je suis la reine des mauvais castings, c'est tout. Alors, les rencontres Tinder de Margot, les beaux gosses. Je précise, c'est rencontres 2016, hein, je vous raconte pas 2015, hein, je sors pas les vieux dos. Hein. On a d'autres témoignages qui arrivent juste derrière toi, c'est qui. Il y a plein de messages, on va y revenir tout de suite. Alors, dis-nous. Alors, j'en ai eu un qui était bien ouf, il s'appelait Manu. Salut Manu. Et le gars, déjà, je trouve ça genre super chelou, le gars m'invite pour la Saint-Valentin. Déjà, tu vois Tinder, Saint-Valentin, le truc matche pas du tout. Beau gosse. Oh putain, merde. Beau gosse, tu parles. Non mais attends. Et là, il me dit, on se donne rendez-vous devant Tati, tu vois, j'habite à Barbès. Je me dis, bon, le mec est original, tu vois, ça peut être drôle. Il m'emmène bouffer en chinois, genre s'il te plaît, la Saint-Valentin où je puais la nem, quoi. Tu sais, ça m'est jamais arrivé, mais c'était juste un enfer. Excuse-moi là, Margot, mais pour l'instant, ouais, je te trouve relou parce que le mec t'invite quand même à manger. Ah ouais, attends. Hein? Non, mais c'était un chinois, quoi. Et alors? Mais je puais la nem, quoi. Vas-y, t'en le pas nem. Ta le nem, on dit Margot, que... bordel. Le nem. T'es pas la sœur de Cédric? Non, ma cousine. Donc tu sentais la bouffe. Bon, ok, si tu veux. Non, mais après, le point de rendez-vous, il a donné Tati parce que c'est un gros truc. Ouais, c'est à côté. Trouver. Non, ah, mais c'est surtout la suite qui est drôle. Le truc horrible, c'est que donc bon, je me dis, je ramène pas le mec. Bon, au final, j'ai aucune volonté, je ramène le mec chez moi, comme d'habitude. Ah, une trop grande envie de se faire sauter, ça arrive. C'est ça, ouais, ça arrive, c'est ça. Je te l'avais raconté, Marie, en plus. Oui, je suis au courant. Et là, je me rends compte, le mec, il baisse son calbar. Et là, je me rends compte, le mec, il a un donut tatoué sur le cul. Il a quoi? Genre un donut. Un donut, genre le donut de Homer Simpson. Marrant. Non, mais c'est pas marrant, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas marrant, quoi. Ah, pour toi, c'est un tue-l'amour, ça. Mais c'est un tu l'amour. On n'a pas le droit de statuer un donut. Non, mais c'est vrai que c'est spécial. Donut. Non, mais dis full, pas un donut. Je m'appelle le maire. C'est vrai que c'est original. Spécial. Non, et là, je te jure, le mec qui me dit exactement ça. Je m'appelle le maire. Je sais pas si tu vas le baiser. Avant de baiser, ça te fait. Non, mais c'est surtout le mec à quel moment il a eu l'idée de se dire tiens, je vais me tatouer un truc, un donut. C'est un connard pour faire ça. Y a pas moyen, quoi. Et une d'œuf sur l'autre fesse, tu sais, genre. Bon, okay. Mais non, mais l'horreur, quoi. Donc, si vous arrivez avec une d'œuf, la bière, hein, ça passe chez Marie. Et Margot aussi. Ah, aussi. Et là, double surprise. Le mec, il se retourne et je me dis, ça ne rentrera jamais. Ah, parce qu'il y a une grosse bite. Un tronc. Non, mais une horreur. Eh ben, tu vois. Un truc. On aurait dit, l'ustensile de cuisine de Mercotte, tu vois. Donc, toi, tu t'es dit, ça va pas rentrer. Et le rouleau de Mercotte. Là, t'as appelé Marie. Oh, merde. Parce que chez Marie, tout passe. Je te jure. J'arrive, ma chérie. Oui, bah oui. Je vais me mettre le gros tronc dans le cul. Ah ouais. Non, mais on s'appelle Marie, toujours quand il y a des histoires. Pendant ce temps-là, tu lécheras le donut. C'était horrible. Bah, au moins, il était pas sur le milieu du cul, le donut. Il était vraiment que sur la fesse, hein. Tu vois, il n'avait pas faim. Bon, un mec avec un donut et une grosse bite. Mais c'était bien ou c'était pas bien au final? Non, mais le mec, il a quand même, je te dis, moi, il a quand même 2-3 soucis. Ouais, non, mais au final, il t'a déglingué ou pas? Mais c'était horrible, quoi. C'était horrible, j'ai l'impression d'être une pucelle, quoi. Il y a Karim qui te demande si au final, il t'a déglingué. Ouais, bah oui, mais on a compris. Ah bah oui, mais je l'ai quitté, du coup. Ouais, mais ça a duré une nuit. Il a quand même couché avec toi. Très bien. Bah oui. Donc, comme quoi, tu disais, tu vois, faut positiver, Margot. Tu disais que les relations, ça se passe mal. Non, ça s'est bien passé, là. Ah bah, elle nique. Non, c'était la Saint-Valentin. C'est quoi? Non, Marie est en train d'expliquer qu'il n'y aurait pas de te faire baiser. Soucis, mais... Ah bah oui. Bah attends, encore. Alors, un autre. J'ai quand même un peu d'hygiène, Marie, merci. Bon, encore un dingue. Ah. Allez, un autre. Prends-nous le pire que t'es rencontré. Ah, alors, le pire que j'ai eu, alors, ça, il est tout frais, tout chaud, il date de vendredi. Ah ouais, vraiment. Ah, alors, celui-là, il est... C'est moi. Je suis tombée sur un ouf. Le gars, bon, je vais boire des coups et tout, évidemment, j'essaye de me détendre un peu et tout. Et on parle à l'hôtel et tout, je me dis, bon, vas-y, ça va, ça passe, et tout, le mec, il a l'air super sympa, machin, tout ça. Et là, à 2h du matin, le mec, il me dit, je t'aime. Alors moi, évidemment, j'étais choquée, j'ai repris une bière, tu vois. Parce que il m'a dit, mais tu ne me réponds pas, j'ai dit, non, ça me dégoûte, quoi. Tu veux, je le connais depuis des heures. Non, mais le mec, il devait être tout bourré. Il a fait la fin pour te baiser, c'est tout. Non, le mec était amoureux, c'est tout. Non, le mec, il a dit ça. Non, mais je pense, à mon avis, c'était sa technique à lui pour essayer de te niquer, mais ça n'a pas fonctionné. Non, parce qu'il lui a dit derrière un truc. Ça m'a dégoûté, et comme je veux un enfant, je veux tout. Mais oui, il m'a parlé du prénom. Il m'a dit, est-ce que tu aimes Andrea? Moi, j'ai dit, c'est le prénom de ta sœur, tu vois. Il m'a dit, non, moi, c'est le prénom du fils que j'aimerais avoir. J'ai dit, mais alors, gars, mais tellement pas, quoi. Tellement pas, quoi. Moi, j'ai des chats, tu vois. J'ai pas des enfants, j'ai des chats, laisse-moi tranquille, c'est sur Tinder, quoi. Oui, mais c'est vrai que sur Tinder, rencontrer le mec qui va te faire un enfant dans la soirée, c'est pas super. Ça dégoûte, Romano, t'es d'accord, ça dégoûte. Ah, mais ça n'est jamais arrivé avec quelqu'un. Ah, mais toi, c'est direct, toi. J'ai été tombé enceinte, Romano, non, jamais. Non, mais c'est vrai que bon, le mec, la meuf ou le mec qui te sort direct, je t'aime, la première soirée, tu peux si je veux te faire un enfant, ouais, super. L'enfant, je crois que ça t'achève. Ah, ben là, tu lui dis de partir. Le premier temps, tu t'es prêt à coup de pelle, mais là, le deuxième coup, tu prends le retour. Mais le mec, t'as fait quoi? Tu l'as laissé en galère dans le bar, en train de saouler la gueule? Non, mais j'étais à l'hôtel déjà. J'étais à l'hôtel. Ah ouais, je voulais pas le ramener chez moi, tu vois, je voulais un endroit neutre, quoi. J'avais bien senti qu'il était taré. Et le pire du pire, c'est que le lendemain matin, bon, évidemment, panne de capote, il n'y en avait plus. Le gars, il me dit, je sors, je vais aller acheter des clopes. Moi, je me dis, sympa, le mec, il va y penser, tu vois. Il s'est revenu. Il revient. Ah, il est revenu. Il revient. Il est revenu. Et il revient avec un paquet de clopes. Je dis, mais t'as pas acheté de capote? Donc, moi, déjà, ça m'a vénère, tu vois. Déjà, j'étais très énervée. Et là, je lui dis, mais c'est une blague? Il me dit, bah non. Bon, du coup, je comprends pas trop. Et le mec se recouche, habillé juste à côté de moi. Il me dit, on part, on va boire un café. J'ai dit, mais alors, je t'explique, on va juste pas boire du tout de café. Genre, tu sors pour acheter des clopes, tu ramènes pas de capote, genre juste barouette, quoi. Moi, toi, t'es une vraie remède. Mais toi, tu fais yes, toi. Regardez le nombre de messages qu'on reçoit, là. Marie, présente-moi ta pote. Bon, il y en a plein qui nous ont laissé des messages. Tu vas trouver du monde. C'est mieux que Tinder, que Badou, que Smax, c'est mieux que tout. On va te présenter des vrais, des auditeurs de Skyrock. Eux, ils déchirent. Elle est relou, ta copine, Marie. Mais non, elle est pas relou. Ouais, une meuf comme ça, mais elle te prend la tête le premier soir. Mais c'est normal qu'elle ne trouve pas. Non, elle prend surtout pas la tête, au contraire. Elle veut de la simplicité, donc. Elle me rappelle une de mes ex qui me prenait la tête pour tout. Quoi que je fasse à la maison, il n'y avait rien qui allait. Bonjour, Mercotte. Non, Margotte. C'est Margotte. C'est pas qu'il n'y avait rien qui allait, c'est que le gars, il part acheter des clopes, il ramène pas de capote. Bah, peut-être qu'il voulait se faire tasser. En 2016, je l'ai rencontré par Tinder. Non, mais tu sais, s'il s'est recouché dans le lit habillé, c'est qu'il avait pas envie de baiser. Donc je pense qu'il n'a pas pris de capote pour la même raison. Il était content, il a profité de la nuit d'hôtel gratos. Tu m'étonnes qu'elle soit célibataire, la casse-couille, nous dit Quentin, D77. Elle est pas casse-couille. Ultra chiante, la copine de Marie. Mais non, elle s'amuse. Jed nous fait, mais c'est quoi cette relou? Ah tiens, oh, le routier, présente-la moi, j'ai des capotes. Ah tu vois, nous on a des capotes. Ouais, ah ouais. Bah voilà. Eh bah, rassure-nous, quelquefois ça a marché quand même. Ah, là, ça a marché à tous les coups, là tu baises à chaque mais fois. Oui. Ah bah oui, évidemment. Attends, je pars pas ma soirée, t'es marrant toi. Bah oui, j'ai vu, non, mais c'est bien. C'est bien. Et comme quoi, tu te plaignais, mais au final, faut voir le positif, Margotte. Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Bon alors Thomas, toi tu nous appelles pourquoi? Pour parler d'une appli toi Thomas, c'est ça? Ouais voilà, je vous appelle pour parler d'une appli en fait. C'est quoi, c'est une appli que t'aimes bien? C'est une appli que t'as fait? C'est quoi? C'est une appli qu'on a créée. Ah. Avec des potes. Avec des potes, on a créé une appli à force de... Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est gratuite? Elle est gratuite, c'est tout pour Romano, c'est spécial Romano. Bon alors vas-y. On va parler alors. Non mais parce que, attention, je vérifie quand même. C'est une appli où tu ne verses pas d'argent et tu en gagnes. Ah, ça peut être intéressant. Il a la main sur le téléphone, il est cool. C'est plus l'arnaque ton bordel, mais on ne sait jamais. Non, vas-y. Non, c'est pas de l'arnaque, c'est du pari sportif financé par la publicité. Ah ouais, c'est pas con. Hein. Du pari sportif quoi? Financé par la publicité. D'accord. Mais alors, ça existe pas déjà ce genre de truc? Non, ça existe pas, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Mais t'as le droit de le faire ça, c'est pas réservé à... C'est légal. Et genre elle est sur l'Apple Store et tout ton appli? Elle est sur l'Apple Store, il y a une page Facebook, il y a une vidéo sur YouTube, vous pouvez tout regarder. Très bien. Sport, ça s'appelle. Et ça marche bien? Pour l'instant, ça démarre, mais je voulais avoir les avis des auditeurs. Alors, bête. Pub sport. Ah mais gros déjà les couleurs, ça ressemble pas à un truc. Moi je pense que tu vas avoir un procès. Fais voir d'entrée. Ah ouais parce que le logo il est inspiré d'un truc. C'est ouais, BetClick quoi. BetClick c'est ça. Ouais c'est ça non. Il y a une appli BetClick. Ouais, oui, bah ouais c'est ça. Gros. Non mais après bon t'as le droit d'utiliser Bet comme Cédric. Ouais. Ah ouais t'as raison. Non change de nom pour être cramé tu mets très Bet. Non mais Bet tu peux mettre Bet le mot tu peux l'utiliser mais le problème c'est que le logo il est vachement ressemblant. Thomas ce qu'on va faire tiens on va demander déjà à ceux qui sont allés la télécharger ce qu'ils en pensent mais surtout est-ce que vous jouez à des jeux d'argent, est-ce que vous avez déjà parié sur des équipes de foot, est-ce que vous avez gagné des sous? Nico aussi un grand joueur qui va citer Romano puisqu'il gagne plein. Tu vas être jaloux. Ah non mais attends là il y a un auditeur là. Il gagne plein de sous Nico. Ouais, Nico ouais. T'es là Nico? Ouais je suis là. Ouais. Nico, salut Nico, c'est toi qui as envoyé la photo là? Non parce qu'il y a un auditeur qui a envoyé la photo et le mec il a gagné 88 000 euros. Ah c'est gagné. Il y a des fakes des screens de ce qui est gagnant. Fais gaffe. Attends. Tiens Karim analyse s'il te plaît. Ah au PMU je ne sais pas, je vais voir. A priori, il aurait gagné 86 000 euros, pardon, et ça serait Fabri Fibra 69. Ah. Est-ce que ça te paraît. Salut Fabri Fibra. Vrai ticket ou pas? Vrai ticket. Je crois que c'est un vrai, ouais, gros. Vrai ticket ou. Ouais, il me semble. Ou fake. Ah, non, il me semble que c'est vrai. Il a mis des petits trucs pour pas qu'on voit son nom et tout. 88 000 euros. Vous avez entendu l'histoire avec Sadek, là, pour les paris? Non, vas-y. Genre, en gros, il avait posté une photo de ses tickets en disant, ouais, j'ai gagné 100 000 euros et tout. Qui? Sauf que Sadek, le rappeur. Et genre, sauf que sur la photo, genre, sur les tickets en bas à gauche, on voyait ticket annulé. Genre, il avait mis la mise et il avait annulé son ticket ensuite. Sauf qu'il s'est fait cramer sur les réseaux sociaux. Le mec, il s'est fait afficher pendant. Mais il l'avait fait pour Angelo Romano parce que Romano disait que les autres gagnent là. C'est clair. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont comme toi, qui, quand quelqu'un d'autre gagne, ils sont jaloux. Ah, ça me fout la rage. Bon, alors, tiens, on a Zach qui est. Télécharge Zach et puis tu nous diras si ça te plaît le truc là. Ouais, Zach... moi je suis sur Android, mais. Ah, t'es un fan des paris sportifs toi. Ah, moi c'est Paris en sport. Hein. C'est Paris en sport. Le classique PMU Paris en sport. Ouais. Et combien t'as gagné ou combien t'as perdu? T'as fait les comptes? J'ai pas vraiment fait les comptes. Mais... Ah, ça veut dire que t'as perdu ça. Non, franchement ça va, mais il m'est arrivé de gagner 300, 400, tu vois. Euro. Après, moi j'ai une technique, enfin une technique, pour moi ça marche en tout cas, c'est que moi je supporte l'OM, tu vois. Règle numéro 1, ne jamais jouer sur l'OM. C'est, ouais, c'est ça. Voilà, et en fait, l'OM, c'est, bah, tu sais, c'est un grand club, donc les cotes de l'adversaire sont assez grandes. Et tu joues l'adversaire, bah, classique. Et je joue l'adversaire et je me dis, bon, si je perds mon argent, c'est que l'OM a gagné. Et si je. Mais comme ils perdent souvent, c'est bien pratique. À Marseille, tout le monde fait ça. Tout le monde joue contre. Règle numéro 1, ne jamais jouer l'OM, tu vois. Même des fois, tu es tenté. Je place 200 euros. Ouais, mais la cote, elle est pénale sur toi. Pour les paris sportifs, vaut mieux jouer les équipes dont on n'est pas fan, parce que comme ça, on se laisse pas influencer par le cœur. Ouais, c'est clair. On est plus objectif avec des équipes dont on n'a rien à foutre. Bah, carrément, bah oui. Tu sais, tu mets Paris et défaite de l'OM, ça marche souvent. Tu mets 100 euros. Ah, bah oui, ça. Paris gagne tout, Marseille perd. Bon, bah, ça va un peu mieux. C'est un supporter de l'OM qui le dit. Ah, mais il a raison, mais c'est l'argent qui parle. Ouais, bah là, ouais, quand tu joues des ronds, le cœur, tu l'oublies un peu. Ouais, c'est ça. T'as toujours des rageux pour dire, ouais, tu joues pas à l'OM et tout, mais j'encaisse après. Ouais, mais toi, tu joues pour l'oseille, t'as raison. Voilà. C'est un jeu d'oseille, donc. C'est pas parce que tu vas parier sur l'OM que d'un coup, ils vont gagner le match, tu vois. Non. Mais tu sais, une fois, je sais pas si vous êtes au courant, sur Betclic, t'as 100 euros d'offert. Ouais, le premier pari, il est remboursé. Et moi, je m'étais inscrit pendant la Coupe du Monde et il y avait pas vraiment de match qui me tentait, tu vois. Et j'avais pris mes couilles, j'avais dit, bon, on va jouer France-Suisse, on va mettre moins de 3 buts, c'est toujours des matchs fermés. Est-ce que je peux prendre ses couilles aussi, s'il vous plaît, messieurs. On va lui demander après, Marie, attends. Ouais, les France-Suisse, il y a toujours des 0-0, des 1-0, des matchs pétés, et là, 5-2, du coup, j'ai perdu 100 euros. Ah merde. Oh, le con. Tu vois que t'as perdu de la thune. Moi, j'aime pas ces. Ouais, mais c'était les 100 euros qui t'avaient filé, donc. C'était les 100 euros qui m'avaient filé. Oui, donc au final, t'étais à blanc, quoi. Après, j'ai utilisé la carte bleue, pour rejouer un peu, tu vois. Mais une question, tu sais, quand ils disent, par exemple, 100 euros offerts, t'es obligé de les jouer en une fois ou tu peux les jouer en plusieurs? En fait, c'est le premier pari qui est remboursé. Donc, t'as jusqu'à 100 euros. Si t'as, ouais, voilà, si t'as une carte, une carte étudiant, par exemple, t'as que 50 euros dessus, ton premier pari, ce sera 50 euros. Si tu le perds, on te remet tes 50 euros. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas 100 euros que tu vas retirer c'est derrière. C'est pas forcément 100 euros, ouais. Voilà. Et ça marche pas de t'inscrire, de prendre les 100 euros et d'aller retirer. Ouais, c'est impossible. Pas, ouais. Malheureusement. C'est dommage parce que moi, je m'inscris tout de suite. C'est pas cher, évidemment. Alors, Nico, combien il a gagné? Il paraît que Nico, il a gagné beaucoup. Il gagne régulièrement et bien. Grand joueur. Donc, toi, tu joues à quoi, toi? Parion Sport. Ah, encore un fan. Vous êtes tous les deux des fans de Parion Sport. Mais lui, tout. Ah, c'est génial. Hein. Et alors, combien t'as gagné, toi, Nico? Écoute bien, Romano, assieds-toi, parce que tu vas tomber, là. Je suis assis. J'ai gagné en moyenne 650 euros par mois. C'est pas mal. Ouais, mais enfin, bon, ça marche que si tu dis combien tu joues. Ouais, combien tu perds. Je parie. Je joue tous les jours et je joue 30 euros. Voilà. 30 euros tous les jours. Bah, 30 fois 30. Ouais. 30 fois 30. Ah oui. Bah, ça fait 900. Ouais, mais c'est 650 euros de bonus. Hein. Ah, d'accord. Parce que je crois que tu avais 600. Non, en fait, tu es bénéfice. Donc, en gros, tu gagnes 1500, un peu plus de 1500 euros par mois, quoi. Non. Au total, pour rembourser ta mise plus le bénéfice. Tu joues 900 euros. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça, ouais. Okay. En fait, donc en gros, tu rentres 100 euros de bénéf. Ton bénéf, c'est ça. Ouais. Ah, c'est bien, putain, c'est 650, c'est pas mal. C'est pas mal. Et toi, tu joues surtout au rugby. Au rugby, vachement au hand et quasiment jamais le foot en fait. Ouais. Parce que le foot c'est foireux en fait. Les paris. Parce que le foot c'est foireux. T'as trop de surprises. T'as trop de nuls. Et c'est pour ça que c'est marrant le foot, c'est parce qu'il y a des surprises. Le plus fiable, c'est le tennis pour les paris. Ouais, le tennis, c'est pas mal. Mais quoi, tu mets Djokovic et il gagne tout le temps? Ben en fait, ouais, au tennis, il y a vraiment très très rarement des surprises quand même, tu vois. Donc tu peux parier sur un mec qui est favori, même si c'est une petite cote, tu sais qu'il va pas faire pas beaucoup. Ouais, tu gagnes pas beaucoup, mais vaut mieux gagner plusieurs fois pas beaucoup que jouer gros et tout perdre d'un coup, tu vois. Donc, Tu peux faire des combis en fait. Tu peux combiner. Si tu combines 5 favoris. Et t'as des astuces, Nico, pour gagner? Parce que moi j'ai envie de jouer. Marie, attention, Marie est ruinée. Marie est ruinée dans un mois. Vous allez voir. Non, mais je le suis déjà. Attention à tous ceux qui ont perdu de l'argent. Je vois les messages que vous avez envoyés là depuis tout à l'heure. Il y en a plein qui ont perdu plein de thunes et qui se sont arrêtés. Bon, tant mieux pour. C'est qui nous avait envoyé un message? Il y a Karine. Ah tiens, je disais, il n'y a pas de fille qui joue au Paris Sportif. Bah tiens, elle joue au Paris Sportif. J'ai arrêté, je perdais tout le temps. Ouais. À force de perdre du fric, au bout d'un moment, quand on a plus. De toute façon, le principe, c'est qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Ça, c'est bien dit. Gagner trop d'argent peut détruire une vie. Il y a des gagnants à l'euro million qui sont devenus malheureux après. Ouais, c'est ça. Non, mais bon. C'est l'inconnu qui nous dit ça. Ouais. Oui, non, mais après. J'avais vu un reportage aussi. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est quand même. Les mecs, ils perdent tout leur fric, ils investissent tout, ils font que de la merde avec, et ils perdent tout. Oui, mais c'est pas. 10 ans après, la majorité, ils gèrent bien. Déjà, il y a quand même un suivi de la Française des Jeux. Il y a quelques cas où les mecs, ils se sont retrouvés à tout bouffer en un minimum de temps, mais bon. Après, il y en a conseillé les mecs de toute façon. Il y en a plein qui sont très heureux, j'imagine, avec tout leur pognon. Oui. Ah ouais, et Alimouche, il dit mon voisin, il a joué, trop joué, et à force de perdre beaucoup, il est parti vivre chez ses parents. Alimouche, ah ouais. Je vais poser une question, l'équipe. Vas-y. Qu'est-ce qui empêche les buralistes de prendre des grilles, de les remplir et d'aller les donner pas des grilles, pardon, de gratter des jeux là, tu vois. De gratter. Il les achète les jeux, gros. Bah, faut qu'ils les payent. Ah, ils les achètent, ok, ouais. On leur en fait pas cadeau, oui. Autrement, ouais, tu avais trouvé une nouvelle vocation, t'aurais fait buraliste. Gratteur, même. Exactement. Bon, et pour ton appui. Non, mais il y avait un buraliste, par contre, qui s'était fait choper. Et le mec, en fait, il avait trouvé une magouille. C'est nul si découvert. En fait, c'est le code pour savoir si c'est gagnant ou pas. Ouais, et en fait, le mec, il grattait juste un petit endroit. Ouais. Et en fait, le mec, il se gardait tous les trucs pour lui. Gagnant. Ouais. Ah, il vendait que les trucs. Et le mec, comme un couillon, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait griller parce que son niveau de vie, le mec, il a augmenté de ouf. Il arrivait avec des bagnoles que des tickets de salopards. Et la Française des Jeux, ils l'ont cramé. Je crois que le mec, il est en tôle. Oh putain. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Déjà, radié à vie pour être vendeur. Donc ah, déjà, tu les vends plus. Ouais, non, mais c'est terminé. Les mecs, ils sont venus, ils ont enlevé les appareils. Je crois que le mec, il est en tôle. Il y a le dealer du 24, il dit mon nom qu'il a gagné 130 000 euros au loto-foot. Bah, pas mal. Putain, pour 30 euros de mise. Et Karim, ton collègue, avait pris combien là, 150? Non, j'en ai un, il a pris. Putain, je sais plus gros. Ah, il avait pris le pâtes, ils ont pris, ouais, des pâtes, j'en ai. 150 000 euros. Hein. Je crois, ouais, peut-être un truc comme ça, mais j'en ai un autre au PMU, il a pris 11 000 aussi. Ah, bah putain, ça c'est bon ça. Allez, pour finir avec ton appli, il y en a qui nous disent que c'est sympa ton appli. Nico, j'ai téléchargé ton appli, ça a l'air sympa le principe, donc ça aime bien. Et il y avait, par contre, il y avait Pomme, parce qu'il y a plein de messages positifs, je vais quand même t'en lire un négatif. J'ai téléchargé l'application, pas mal. Ah non, vraiment pas mal foutu. Alors non, c'est pas Pomme qui. Non, Pomme c'est positif. Non, il y en a un qui disait que c'est. Oh putain, il y a tellement de messages. Ah, voilà, problème de princesse tunisienne. J'ai ouvert l'application BetSport et ça m'a coupé Sky sur l'appli. Ah, là, faut que tu règles ce bug là, c'est pas possible ça. Ah, on va régler ça. On va régler ce bug. Non, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Bon, tu vas avoir du monde ce soir, hein, je vois les messages. Non, mais c'est vrai, c'est pas... Le slogan de l'appli, c'est. Le seul risque est de gagner. Donc vous avez zéro risque de perdre l'argent. Marie, si tu veux parier, c'est vrai, t'as pas de carte bleue. Hein. Ouais, non, mais c'est pas con ton truc. Tu vois, Marie, quand on t'aura enlevé ta carte bleue. Ça vous coûte rien. Tout est gratuit. Vous avez qu'à jouer et si vous gagnez, vous pouvez rembourser la cagnotte. Eh ben, gratuite la pub sur Skyrock aussi. Eh ben voilà. Tous les soirs, Difoulé sur Skyrock. La radio libre de Difoul tout l'été sur Skyrock, 21h minuit avec les témoignages qui arrivent pour compléter celui de Margot qui nous a parlé tout à l'heure de ses rencontres sur internet. C'est William qu'on aura au téléphone, il est tombé sur une meuf très spéciale. On découvre tout ça juste après le son de Major Lazer avec Justin Bieber, Cold Water, dans la spéciale de l'été Difoul sur Skyrock. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. I'll be your light. 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. Bon, il y a William qui arrive en direct avec nous. William, 27 ans dans le 60. Salut William. Ouais, hello Ulu Illy, l'équipe. Je te dirais même plus. Hello Ulu Illy. Allo, hello, Ulu Illy. Bah là, très bien. Bah oui, ça va, et je te dirais également aussi. Salut. Salut à toi. Ah bah salut. Ouais. Salut. Bienvenue. Alors William, je l'ai dit moi. Ouais, non, mais là, je suis pensé aussi. Exactement. Putain, t'as appris le français depuis que t'es venu lundi soir dans l'émission, mais grave. Yes, yes, a little bit. Oh, a little bit, comme Romano. Romano, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Merci, c'est sympa. A little bit. Alors, William, tu nous appelles pour les sites de rencontres, t'es déjà tombé sur une meuf très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très spéciale. Oui, on va dire ça comme ça, exactement. En fait, je venais de me séparer donc avec mon ex, et puis, bah, comme tout mal qui se respecte, j'ai traîné sur les sites de rencontres pendant quelques temps. Bah, tu sais, moi, je te disais, j'ai jamais fait ça. Romano, tu l'as fait, Cédric, tu l'as fait, Karim, tu le fais, Samy. Ouais, jamais fait, moi. Jamais non plus. Je fais encore, moi. Ah, non, mais moi, j'aimerais pas. T'es une espèce rare, alors, si tu ne l'as pas fait. Comment? Non, mais quoi? Une espèce rare. Tu es une espèce rare, si tu ne l'as pas fait, de traîner sur les sites de rencontres aujourd'hui. On est déjà deux dans le studio, donc ça fait. Ah ouais, l'exception, ouais, ouais, qui confirme c'est... la règle. Donc oui, donc j'étais sur un site donc ça qui existe, n'est pas très forcément connu. Ouais, ouais, c'est quoi le site? Et amoureux.com. Oh, c'est mignon. Voilà, amoureux.com. Ah, mais je crois que j'ai déjà vu, il y a une pub à la télé à un moment de ce truc, je crois. Ouais, d'ailleurs, c'est un site qui est pas mal pourri d'ailleurs, hein, pour information. Mais bon. D'accord, tu fais une bonne pub. Ah, voilà, en tout cas, t'as choisi le bon. Big up à eux. Voilà. Mais bon, ça m'a permis quand même de trouver donc cette nana-là, qui était donc basée sur Auxerre. Ouais, bah au final, pourri pas tant que ça, bon, t'as quand même réussi à. Ouais, voilà, au final. Ouais, enfin, quand tu vas voir le phénomène que j'ai rencontré, tu vas peut-être changer d'avis. Oui, hein. Mais bon, ils ont rempli leur contrat, ils te garantissent pas une bonne meuf ou une meuf belle, non, ou intelligente. Non, c'est vrai. Et quand on va sur amoureux.com, c'est qu'on recherche plutôt une histoire d'amour, c'est pas comme Tinder, Badou, tout ça. Ouais. Ouais, en façade, on va dire ça comme ça. En façade, d'accord. Voilà. Donc moi, bah, c'était pour m'amuser, hein, clairement, et puis elle aussi, hein, c'était pour s'amuser. Donc la nana était d'Auxerre, et puis bah, elle me dit, bah, je vais sur Paris. Oh, donc, bah, je monte à la capitale. Et voilà, donc bon, bah, elle m'a dit qu'elle allait sur Paris, donc bah, on organise le rendez-vous vieux. D'aller sur Paris. Ouais. Et donc on passe le samedi soir, donc on prend un hôtel tranquille. Mais déjà une question, quand tu l'as vu, le problème, quand tu l'as vu visuellement, quoi. Hein, ouais. Là, tu t'es dit bon ça va, ou tu t'es dit oh putain merde. Voilà quoi. Ou tu t'es dit oh putain merde, mais je vais quand même la niquer. Voilà, je me suis dit j'ai pas fait le déplacement jusqu'à Paris pour rien. Voilà, c'est, on va quand même en profiter. Ah non, mais moi, bon, j'ai fait. J'ai pas investi quand même dans 15 balles d'essence pour aller à Paris pour paniquer quoi. Ouais, tu t'es dit, ouais, il faut que je tape dedans, quoi. Faut que je rentabilise, quoi. Voilà. Voilà. Puis elle fait le voyage d'Auxerre, donc à la limite, ça l'a rangé aussi. Bah, voilà, ça l'a rangé aussi, ouais. Elle venait quand même pour sa petite pépée. Donc, du coup, on passe la soirée ensemble, on commence à faire, bon, notre affaire. Bon, déjà, la nana, quand tu commences à la chauffer, etc., elle te dit clairement, elle pose le jeu carte sur table, moi, j'aime quand c'est violent. Ah bah au moins tu sais ce que tu dois faire. Au moins voilà. Donc bon à la rigueur, moi j'avais jamais fait ça en style violent, donc je me dis bon je suis un peu choqué, mais quoi, bon. Après okay, il y a violent et violent quoi, ça dépend ce qu'elle te demande quoi. Si t'es bah, fous-moi un pain dans la gueule. Que je commence... Non. Ah ouais, mange-moi un coup de boule. Allez, s'il te plaît, non mais tiens. Mais non, on sait jamais. Cette violence là, je veux dire que je la bourrine quoi. Ouais ouais, non mais t'es bourriné quoi. Non mais t'aurais pu vraiment tomber sur une tarée qui te demande de la. Ah ouais, non, vas-y. Ah, quand même, on va pas tomber dans les trucs de démence. Non, non. Tant mieux pour toi, oui. Exactement. Donc bon, bah, je commence à la bourriner, clairement. Hein. Et la nana, donc au bout de 30 minutes, bah, je te jure que j'aurais eu plus de considération, je crois, pour une pute que pour cette meuf, hein, clairement. Tellement je l'ai bourriné. Non, mais je lui ai explosé le derrière avec mes mains. Ah, c'est-à-dire non. Qu'elle avait plus un cul, c'était ni plus ni moins qu'un carré rouge qu'elle avait. Ah, non, vous avez fessé, Marie, comme ça. Ah ouais, des fessées. Elle était, elle était contente. Voilà. Je l'ai fessée, mais alors. Elle était heureuse, la bourguignonne. Bah, au début, oui. Enfin, et puis, au bout de 30 minutes que je la bourrinais et que je suais des gouttes grosses comme mon pouce, bon, au bout d'un moment, je suis quand même un humain, d'accord. Donc, pas un robot, je me suis donc arrêté un petit peu. Et là, la nana se retourne, et véridique, hein, je vous assure, elle se retourne, elle me regarde et elle fait c'est tout. Oh putain, un petit joueur. Oh là là. Elle avait la dalle quoi. Ah ouais, non mais là clairement, la meuf qui te regarde avec ses yeux là de salope, mais ça t'excitait quand même. C'est tout. Ah non mais elle m'a dégoûté. clairement. Ah ouais, parce que j'imagine que bon, dans tes fantasmes, un jour tu t'es dit, t'as déjà eu des fantasmes de bourrinage, Ouais, ouais, voilà. Mais on a tous eu à un moment ou un autre, on s'est fait le film dessus dans notre tête. Mais là, quand t'es en face du truc, c'est moins rigolo que dans ta tête. Ah, je t'assure que t'as envie de vomir. Non, mais surtout, ouais, c'est quand même c'est vexant quand que la meuf te dise, ouais, c'est tout. Genre, tu lui as pas mis sa dose. Concrètement, tu l'as mal baisé. Je sais pas ce qu'elle veut, quoi. À moins qu'elle veuille un troupeau de mammouths derrière son Je peux venir, je vais de la préhistoire, je connais les mammouths. Ouais. Si ouais, la non, meuf, ouais, c'est clair, si tu l'alimes sévère pendant une demi-heure et que la meuf te dit, ouais, ça me suffit pas, ouais, qu'est-ce qu'il lui faut, quoi. Il y a Valentin sur Twitter qui dit, je commence à la bourriner, charmant, là, monsieur. Excité, apparemment, quand même. Et donc, toi, ça t'a, ouais, une fois que c'était fini, t'étais content, hein. Ah, c'est-à-dire que dès que ça a été terminé, normalement, on devait terminer tranquille le week-end sur Paris, se balader, etc. Bah, ça a été très simple. J'ai ramené Porte d'Italie, à la gare de la Porte d'Italie. Bon, dans la chambre d'hôtel, elle s'est finie avec le pied du lit, quand même, parce qu'elle a poussé deux. Enfin, attends, je vais me finir. Elle a appelé le room service. Oui, je recherche une batte de baseball. Venez pas ça. Venez pas ça, s'il vous plaît, William. Amenez-moi ça. Et un martinet également. Bon, ben merci toi, William. Non, attention, attention. On rencontre et on en reparlera parce que les rencontres, c'est une histoire. Enfin, ça ne se finit jamais. Là, c'est clair. Bah, déjà, on va suivre Margot et vous, les auditeurs. Oui, on va suivre Margot, la copine de la Marie. Et on va la mettre en contact avec vous tous qui avez laissé vos numéros. Il y en a un paquet, hein. Ah, elle va avoir du boulot là. Elle va faire qu'elle bosse. Bon, merci à toi, William. Et depuis, t'as retrouvé une meuf Ouais, je suis marié maintenant. Je suis marié. Ah, 27 ans déjà marié, mignon. Ouais. Tu ferais une bise à ta chérie. Pas de soucis. Elle te demande, te demande des petites fessées aussi. Éclater les fesses. Une levrette sans fessées. C'est comme du pain sans fromage. Tu vois, c'est bien. C'est vrai. Ah, ça, c'est l'expression. Vu comme ça. Bon, merci, William. Raccroche pas. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et sur Skyrock, jusqu'à minuit, c'est la Radio Libre de Difool. Tout l'été, on se refait un grand moment de radio avec SCH qui débarque tout de suite pour faire comme sur le son Champs-Élysées qu'on va écouter tout de suite. C'est ça. Difool et toute l'équipe ont loué une Ferrari, une vraie, pour aller faire un tour sur les Champs-Élysées avec SCH. Cédric et Romano sont dans la voiture, Difool est dans le studio pour commenter tout ça. Très grand de moment. Très grand moment de radio à se refaire tout de suite dans la Radio Libre. Ce sera juste après le son de SCH. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Cet été, Sam débarque dans les dédicaces sur Skyrock. Dédicace! À tout moment, balance ta dédicace à ton pote Sam en direct sur Skyrock et gagne deux places pour le Whoop à la rentrée. Un spectacle exclusif réservé aux auditeurs de Skyrock et aux potes de Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino. Major Lazer, Justin Bieber, Cold Water. Les Major Lazer invitent Justin Bieber pour nous livrer un nouveau hit planétaire. Major Lazer et Justin Bieber, Cold Water. Hey Matza, sur Domino's.fr, deux pizzas livrées plus une entrée, 20 euros. Vas-y, clique, c'est trop bon. Pendant les Digital Days Domino's jusqu'au 16 août, deux pizzas médium des gammes incontournables et suprêmes plus une entrée livrée pour 20 euros en commandant sur Domino's.fr. Hors pizza du moment dans les magasins participants. Vous cherchez un moyen de faire de nouvelles rencontres pendant les vacances? Amour au 62070. De nouveaux amis? Amour au 62070. Le grand amour? Amour au 62070. Envoyez Amour, A-M-O-U-R au 62070 et accédez aux meilleurs services de rencontres par SMS en France. Envoyez Amour au 62070. 50 centimes plus prix du SMS DGP. D'or et de platine présente. Joule. Son nouvel album Émotion maintenant disponible. Joule, Émotion toujours disponible. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein. D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence.

qu'on a tous. Moi, j'ai écouté Paris aussi, elle l'a. Ouais, vachement, ouais. C'est bon, alors. C'est bon, alors. T'es une galère, toi, en fait. Laisse tomber. C'est quoi, laisse tomber. Bon, alors, SCH, dans la Ferrari, dans un instant. Mais nous, alors, en échange, on aimerait bien un petit live de Champs-Élysées. Allez, vas-y. Allez, on se le fait. Voilà, notre gros cadeau de la soirée, c'est SCH avec nous, Anarchie dans les bacs. 19, Anarchie dans les bacs. Je veux que j'ai une question de fille là que j'ai vue qui m'a fait rigoler tout à l'heure, parce que ça c'est bien une question de fille. C'est quoi, genre comment tu t'occupes de tes cheveux? Genre voilà, tu fais des brushing, ça, non? Attends, un truc pas, comme ça, non? Je vais te la retrouver celle-ci, parce que. Non, t'as les cheveux pas. Qui frisent, tu sais. Elle déchire. Tiens, alors Malia Kerbich. Ah. Qui nous envoyait un message sur les réseaux. Le secret de tes beaux cheveux, tout le monde veut savoir. Ça, le secret de mes beaux cheveux. Le secret de tes beaux cheveux. LCF des laboratoires. C'est clair. Non, franchement, il n'y a pas. Head and Shoulders. Il n'y a pas vraiment de secret. T'as eu. Bah, tu te les laves, quoi. Voilà, tu les laves tout bêtement. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de se les laver de temps en temps. Quand vous pouvez. Si c'est pas possible de le faire régulièrement. Tu mets pas d'après-shampoing, de masque, tu sais. Non, je mets pas tout ça, je mets des shampoings. Imagine, c'est le rappeur, le mec qui fait des masques. Normal. Si je coupe les pointes. Tu fais des brossings. Ça serait cool, ça. Ça, c'est une vraie interview rap, ça. Eh ouais. On remercie, je te remercie pour ton message. Hein. Elle m'a dit, vas-y, pose-lui la question. Eh ben, c'est fait, tu vois. Vous avez une question à c'est poser. C'est bien viril, ouais. Vous y allez. Sur le 41-759, l'appli Skyrock. Allez-y, faites-nous péter tout ça. SCH en concert à Alger. C'est marrant, t'es pas le premier à nous poser la question. Vrai ou pas? Vrai. En concert à Alger, ouais, au Maroc, à Casa, à Marrakech. C'est sympa, ça fait des vacances. Tu vas cet été, ça fait des petites vacances. Ouais, c'est cool, en Espagne, on va faire le sud. C'est bizarre. En fait. T'as tout compris. T'as bien raison. C'est tu vas voir en Alaska. L'été, c'est que le sud. Il faut bien joindre l'utile à l'agréable. Non, mais c'est clair. Hein. T'as raison. Mais on est d'accord avec toi. Et on va joindre l'utile à l'agréable. T'es avec nous ce soir en direct sur Skyrock. Et sur Skyrock, on vous aimerait bien un petit Champs-Élysées. Ouais, et je crois que pendant ce temps, la voiture arrive. Hein. Wow. Ça arrive. La Ferrari arrive. C'est vrai qu'il est parti en courant, là, donc c'est que la voiture ne doit pas être loin. Allons-y alors. Ou alors il est allé au chiottes. Enfin, ou alors elle est déjà sur le toit parce qu'il y a une galère dans la rue. Là, c'est comment? C'est Féfé sur les champs. Et c'est loué. Ah putain. Et ouais. Alors on se fait le Champs-Élysées live. Ouais. C'est moi qui ai le truc. Ouais. Vas-y Romano, fais péter le son. Envoie le son. C'est SCH sur Skyrock. On voulait un live dans l'émission et un live d'SCH. Yes. Il y a DJ Romano qui va me backer. Ouais. C'est ça. Moi je vais faire pas louer. Allez, c'est bon, on y va. Pas louer. Ah ou. C'est SCH sur Sky dans la radio libre. 19. Quoi? Anarchie, ça sort aujourd'hui. Numéro 1 sur iTunes. Ah oui. Merci, DJ Romano. Oh. Hey, les petits sont meurs, la vie c'est dur. Suffit pas de le dire. Assis sur un mur, voir l'avenir. Bloqué dans l'obscur, heureux dans la mer. Je suis pas là, bénévole. À la star des autres, je suis sur le temps. T'es en quête, je love, je suis en guerre. J'appuie, pay, bitch, crâne. Chacune son coup, deux putes dans le même lit. Le M, on a les mêmes goûts, Shorty Hood. Un bon siège cuir baqué, un fer collé, un acré, la way. Comment sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Bah ouais. Elle a avoué. Bah ouais. Fais sur les champs, pas loué. Sur les champs, pas loué. La part sur les champs, je l'ai pas loué. Je suis plus sur tes côtes, pas méchante. Elle veut m'amadouer. En suçant tous mes potes, y'a pas de méthode. Mon son partout, hein. Je suis sur écoute, c'est les rats, followers. On est en vie, rassurez-vous. Bonne drogue, vrais hommes, pas stoppés par l'épuisement. On a de l'argent et mes potos sont plus stoppés par leurs pigments. T'as capté? Fuck le monde des mondains. On revient de loin, si loin. Aujourd'hui, on rentre. Sur les champs, je l'ai pas loué. Pas loué. Elle est pas montée, qu'elle est déjà mouillée. Bah ouais, elle a avoué. Fifi sur les champs, pas loué. C'est pas loué. À part sur les champs, pas loué. Pas loué. Qu'un doigt pour mes haters. Jalouse, elle me dit wesh, est-ce qu'on s'appelle après 9h? J'attends quand même depuis hier. Tu sais, j'ai mes envies moi aussi. Ah ouais? Eh ouais. Tu penses arriver pour quelle heure? Hein?

Et en fait, ça, elle veut absolument que je fasse ça, mais moi, j'arrive pas à lui faire de cunnilingus, en fait. Mais attendez, c'est normal, frérot. Lançons un grand débat. Le débat, qu'est-ce qui vous dégoûte qu'on vous a déjà demandé? Ou alors, le cunnilingus, vous aimez ou pas? Quand tu regardes un cuni sur un film de cul, parce qu'on parlait tout à l'heure du YouPorn et tout ça. Quand tu regardes un cuni, est-ce que ça t'excite ou pas? Tu vois un mec qui bouffe une chatte, t'es excité ou pas? Non, en fait, à la base, c'est pour ça que j'ai appelé, c'était pour savoir comment je pouvais me débloquer, en fait. Parce que même quand je regarde un film de cul, juste de voir ça me dégoûte, en fait. Ah bah, c'est que t'aimes pas ça, tu sais, il y a des trucs qu'on n'aime pas. Mais je sais que je dois faire des efforts, parce que ma copine, elle me demande tout le temps ça, mais j'y arrive pas. Ça serait con qu'elle se fasse lécher par un autre, effectivement. Ouais, ça serait débile, ouais. Et pour les cunis, je vois les messages, les filles, il y a des filles qui n'aiment pas se faire un cuni, hein, en tout cas. Moi aussi, je connais des meufs qui n'aiment pas se faire bouffer la chatte. Hein. Ouais, il y en a, ouais, c'est vrai. Pour ceux qui n'ont pas compris Cuny, en effet, Karim, tu as raison, c'est bouffer la chatte. Oui. Jérémy, moi, c'est ma meuf qui veut pas, tu vois. Jérémy qui nous envoie un message. Julien également qui nous envoie un message et qui dit, je le comprends, le gars. Moi non plus, j'aime pas les cunis. Ah, moi, j'adore. Ça me dégoûte, ça coule. J'adore, mais j'ai un petit penchant pour l'anulingus. Eh ben, tu sais quoi, il y a Jules du 02 qui dit qu'il lui bouffe son cul, c'est bien mieux. Attends, mais justement, est-ce que le cul, par exemple, ça te dégoûte moins que de lécher une chatte? Non, c'est pareil. Les deux, hein, ça te dégoûte. Ouais, mais en fait, ça doit être vexant pour elle parce qu'elle se dit que ça te dégoûte, quoi. T'aimes bien te faire lécher l'anus, Marie, toi? Bah, total. Ah ouais, j'adore ça. J'adore, c'est génial. Bon, témoignage de Kaina dans un instant, elle doit être dans le coin. T'es là, Kaina? Oui, je suis là. Salut Kaina, du 93. Salut Kaina. Bonsoir Kaina. Bienvenue sur Skyrock. Merci. Tiens, on va voyager. Donc là, on est à Paris avec Manu dans le 93. Avec toi, Kaina. Et Jeff, lui, il est à Nîmes. Salut Jeff. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Jeff. Bonjour Jeff. Salut. Bon, on va prendre vos témoignages. Alors toi, t'as un délire spécial, toi. Lui, il est chaud. Hardcore. Donc préparez-vous à du sale. Et Kaina, toi tu voulais donc réagir par rapport à Manu. Donc Manu, je résume, toi t'es très bien avec ta copine, tout va bien, c'est ça. Sauf qu'elle te demande des cunis et toi c'est le truc que t'aimes pas, hein. Après on n'aime pas, c'est trop bon de lécher une chatte. Quand tu vois qu'il y a mouille et tout ça, je trouve ça dégueulasse. Bah tu vois William 974 lui, c'est 20... que tu l'aimes pas vraiment. 27 ans, c'est l'argument ça. Si c'est même pas ça, mais c'est, je sais pas, ça me dégoûte un peu. Et Kaina par exemple, est-ce qu'il y a un truc que t'aimes pas toi? Non, moi j'aime tout. Hein. Même la sodo, tout ça, t'aimes tout? Non, la sodo, je la pratique pas, mais le reste... Alors, si par exemple ton mec il te dit « je veux t'enculer » ou « je veux te sodomiser » et que tu lui dis non, et là il te dit « ah bah si j'ai pas le droit, c'est que tu m'aimes pas ». Non, on y va petit à petit, là. Déjà, il commence par l'anulingus, donc une fois que je serai OP, pourquoi pas? D'accord, ok. Donc tu lui proposes de faire des efforts, toi? Voilà. Et t'es tombé sur un gars, il était comme Manu, tu nous as dit? C'est bien ça, au début, il aimait pas du tout. Après, elle m'a dit que c'était par rapport à la pilosité. Ah, t'avais trop de poils? Moi, je me pilais pas, je rasais, quoi. Donc, du coup, ça picotait un petit peu au niveau des repousses. Ah, ouais, ça repousse plus vite. Ouais. C'est ça. Ah, oui, mais t'avais pas un gros buisson, quoi. Oui, t'avais pas de marmotte, quoi. Non, mais ça picotait. Non, j'avais une queue de renard. Ah, c'est joli. C'est joli aussi, c'est pas mal. Castor. Non, c'est pas mal. Queue de renard. Choisis ton camp, camarade. Bah, ça veut rien dire. Moi, je sais que quand il me lèche les fesses, il m'arrive de. Bon, ben, il y a des trucs qui sortent des fois. Donc, Mais c'est quoi qui sort? La merde. Ah, t'aimes ça, Romano? Ah, ouais, d'accord, c'est ça. Ah, non, mais comment ça se fait que t'arrives à chier quand il te lèche l'anus? Mais je suis désolé. Moi, je lèche l'anus pendant de longues minutes. Elle m'a jamais posé. C'est impossible. C'est comme du lubrifiant, il y a du mucus. Du mucus. C'est quoi ça? Du mucus qui sort du cul, mais n'importe quoi. Laisse-lui sortir du mucus, Samy. C'est pas possible, c'est de la merde, c'est pas du mucus. C'est du mucus. Non, ça se lubrifie. En plus, il met la langue dedans, c'est qui kiffe, hein. Ah, tu veux dire que c'est le mélange de la salive qui ressort? Ça va bien, Karim. C'est possible, ouais. T'es excité, Manu? Ça te branche pour l'anulingus? Ah, pas du tout. Ça doit plaire à Karim aussi, ça. Ah, moi, j'adore, là. Je m'en lèche les babines, man. Moi, je suis au bout, là. Quand le mec qui sodomise et qu'après, la meuf, elle ressuce, ça dérange personne. Ouais, mais bon, il n'y a pas de la merde. Ça continue. Ah, bah, il y a pas dans l'anus. Là, il peut y en avoir. Kaina, il peut y avoir un anus propre aussi. Aussi, ouais. Ouais, non, mais à l'intérieur, ça peut pas être propre. C'est la boîte à caca. Le caca, c'est bon. Oui, Cédric. Non, mais des fois, t'as l'anus qui est vide. Tu vois, tu n'as pas forcément. T'as tout le temps envie de chier, à part Cédric. T'as pas l'anus qui va sortir. Il y a toujours du caca dans les. Il y a toujours du caca. Oui, mais t'as pas à chaque fois le cigare au bord des lèvres. Non, mais non. C'est-à-dire que le caca, il est là, mais il est plus haut. Mais oui, il est plus haut. Ils sont collés sur les parois. Mais non, mais c'est plus haut. N'importe quoi, il y a rien collé. Mais oui, il y a rien. T'as envie de nous faire vomir. Sujet très classe, nous dit Perrine. Ouais, c'est horrible. PTDR, merci Perrine, on te fait un gros gros bisou. Je m'en pète le bide pour Alex du 14. Mort de rire. Je vais manger une mousse au chocolat. Bah écoute, bon appétit, Sonia. Passion cookie, là. Sonia, une petite mousse au chocolat et un petit cookie. Ah. Un cookie ou un rocher sous jarre. Là, a priori, avec Kaina, on est plus dans le cookie, là. Le cookie. Donc, ton mec, pour revenir à la chatte, on va revenir. On va laisser le trou. Je pense qu'on va laisser le trou du cul de côté. Hein. Et là, je pense qu'on y a déjà fait un bon tour. Hein. Dans le trou du cul, ouais. Revenons à la chatte. Donc, ton mec, il voulait pas te lécher, toi non plus, Kaina. Non, là, au début, il était attention, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Ah, toi, t'es gore, toi, en fait. Vas-y, vas-y, Kaina. Bon, au début, il était réticent. Après, je sais pas, sa meuf, si elle est poilue, si elle sent. Après, si c'est de l'odeur, il y a des lubrifiants. C'est quoi qui te dégoûte, toi, Manu? Avec du mucus. Ah, je sais pas, c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est pas les bizarre. Poils, c'est pas l'odeur, c'est quoi? Non, puis même, je sais pas, ma bite, elle rentre dedans, quoi. Oui, mais d'accord, mais. Alors... Oui, ben c'est. Ah, t'as l'impression que si tu lèches la chatte, c'est comme si tu te suçais toi-même. Ouais, c'est bah, ça. Elle te suce, par exemple. Ça. Ouais, mais. Bon, ah ouais, par mais exemple... là, t'es parti non, pas... loin, quand même. C'est vrai, Marie, elle a raison, elle te suce et après tu l'embrasses. Non, en fait, pareil, en fait. Quand elle me suce, moi, je peux pas l'embrasser. Ah, mais ah ouais, tu la réembrasses un peu après. Ouais, quand t'as fait les dents, quoi. Et en général, quand tu fais un cunis, c'est plutôt avant de l'avoir pénétré. Donc tu peux essayer de faire un cunis avant de l'avoir pénétré. Et sans te dire que ta bite est passée juste avant dedans. Tu non, peux mais, faire après, mais en général. Puis en général, elle s'est lavée entre temps quand même. Oui, voilà. Bah oui. C'est vrai. Oui, en bah, tout c'est cas, rassurant. On espère. Non, bah, pour le problème de la bite. Hein. Pour le problème de la bite qui rentre dedans, tu. Ouais, elle s'est lavée entre temps, donc tu peux peut-être. Mais essayer. C'est quoi? C'est la vision du truc qui te dégoûte? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est genre, ouais, les bouts de chair. Moi, je suis comme toi, moi, ouais. Après, on essaie ouais, de. Que... On essaie ouais, non, mais je à la limite, ça, c'est à la limite, c'est le truc que ça, j'arrive à comprendre, tu vois. Que ça puisse. Parce que c'est pas le truc quand même. Ah ouais, c'est ce que en je voulais dire. Plus beau monde. On essaye de te convaincre, mais c'est vrai que si t'aimes pas ça au final. Hein. Non, mais par exemple, Karim, toi, c'est quoi qui te dégoûte? Bah moi, c'est comme toi, tu sais, c'est le, tu sais, juste voir le truc. Ça mais admettons, si vous le faites dans le noir, tu vois pas le truc. Ouais, mais je l'imagine, donc ouais, je sais que je bouffe ah, ça, ouais, ça ouais, va ouais, me dégoûter. Ouais. Ouais. Ma femme, alors, elle, quand je lui bouffe l'escalope. Moi et Karim, on est un peu pareil. Ouais. Je lisais un message de Fredo avec une petite escalope. Je kiffe faire les cunis pour la pile du Racel qui écoute Skyrock. Bonjour à toi, la pile du Racel. Et je fais ça pendant des heures. Ouais, et pendant ce temps-là, Kaina, elle fait des pépites de chocolat. Je me touche pas, ça fait des chocolats. C'est dégueulasse. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Pépites, bim. Vous êtes prêts pour le témoignage de Jeff? Oh, bah, ouais. Hey, voilà, franchement, après ce qu'on vient d'entendre, je pense qu'on est prêts à tout. Je suis pas sûr, vous allez voir. Jeff, je te présente oui. Kaina et Manu. Salut Kaina. Je dis, je présente Kaina et Manu, il fait salut Kaina. T'as 28 ans, Jeff, et t'es à Nîmes, toi. C'est ça. Alors. Ouais, c'est ça. Déjà, moi, je bouffe tout. Donc, voilà, donc ça, c'est clair déjà dès le début. Hein. Ah ben, ouais, même, de haut en bas, de bas en haut, il n'y a pas de problème. Même du mucus. Le mucus de Kaina. Bien sûr. Et les pépites de chocolat, tu les bouffes aussi? Non, ça reste coincé entre les dents, donc je préfère éviter. Ah. Et après, quand tu suis rue, ça fait genre, c'est pas bon. Hein. Alors, ouais, Jeff, non. Dis-nous, qu'est-ce que tu voulais dire pour le cunis de Manu, là? Non, alors moi, je suis plus basé sur la salive. Moi. Je suis plus, j'aime bien qu'on me crache dans la bouche. Ah, tu aimes bien que ta partenaire te crache dans la bouche. Voilà. Ah, mais c'est quoi? Ah, j'adore. Ta meuf, elle est fontaine. Non, mais tu craches des molars. Ah, des molars dans la... Ah, mais c'est ignoble. Dans la bouche, comme ça. Ah, non, pas de... C'est pas obligé que ce soit des molars, juste la salive, faire couler la salive. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est-à-dire ouais. Que par exemple, toi tu es la bouche ouverte sous ta copine et ta copine est au-dessus de toi et elle te crache dessus. Ouais, là, je trouve ça super excitant. Oh ouais, crache-moi dessus. Mais moi ça m'étonne pas ça, je connais une meuf pareil. Ah ouais, bien, ouais, quand je la canne, elle aime bien que je crache dessus. Ah, ouais, mais dans la bouche. Non, mais dis comme ça, Karim, c'est vrai que c'est pas super sexy. Non, mais ça peut arriver, tu vois, de cracher dans les orifices, comme on dit. Non, mais lui, c'est dans la bouche. Visage, moi. Ah, sur le visage, ouais, quand je la ken, elle me demande de cracher dessus. Mais c'est ouais. Quoi, t'aimes bien te faire un peu soumettre, humilier? Non, c'est juste, moi j'aime tout chez la fille, donc moi je bouffe tout, moi. Ouais, mais d'accord, mais à ce moment-là, elle peut te pisser dans la bouche aussi. Non, c'est à la limite. Non, mais tu vois, partant de là, tu peux aller loin dans le délire. Hein. Ouais, pipi caca, c'est interdit. Donc tout, ça. Ouais, ouais, bon, après tout, ça te fait du bien. De toute façon, tu lui roules bien des pelles, donc au final. Ouais, mais je trouve qu'il y a un côté, tu sais, humiliant, quoi. Non, t'es un peu soumis à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je te demandais si t'étais pas un peu soumis, humilié. Disons que moi je bouffe tout, il n'y a pas de limite en fait, je lèche tout. Et tu lui lèches les pieds? Je sais pas pourquoi je te demande ça. Bien sûr. Ah ouais. Attends, ouais. C'est kiffant, quoi. T'as bien de faire lécher les pieds, Kaïna. Alors attention. Non, trop bien. On va vous mettre en contact tous les deux là. Ça me semblait pas mal. Il aime le mucus. Toi, tu aimes te faire lécher les pieds. Vous avez tout pour vivre ensemble. Voilà. Mais t'es casé, toi. T'as une meuf, Jeff, ou alors tu vas avoir des meufs comme non, ça. Non, du tout. Je leur fais peur, donc. D'accord, elle se barre. Ouais, ok. Une fois que tu l'auras. Est-ce que t'as une meuf qui t'a dit mais ça va pas quand tu lui as demandé de lui cracher non, dans la bouche. Non, mais j'y vais ou petit à petit. Je leur fais comprendre, mais. Ah bah ouais, pour te faire cracher après, à la gueule, ouais, t'as y aller petit à petit, effectivement, ouais. Mais dans l'action, après, quand t'es dedans, quand t'es dedans, elle dit Kaïna. Non mais vous êtes bien tous les deux, pourquoi pas. Non mais ouais, vous avez raison, quand on aime un truc, si on trouve la partenaire ou le partenaire idéal pour le faire, aussi, ouais, c'est profitez-en parfait. Avec ou sans mucus. Voilà. Avec ou sans mucus, Marie. À 100, moi. Avec ou sans mucus, Romano. À 100 aussi. Moi, je veux du moucous. Voilà, je veux des pépites de chocolat. Ah non plus, non. C'est vrai, non plus, ouais. Bon, et pour toi, Manu, c'est vraiment, si ça te dégoûte, c'est vrai qu'il y a des... On va pas te forcer à faire un cuni, hein. Après, ouais, pense peut-être... Tu vois, comment ? L'histoire des pieds, je surkiffe, par contre, tu vois. Ah, t'aimes bien lécher les pieds, toi. Ah ouais, ça je kiffe ça. Et t'aimes bien te faire lécher. Ah, il est content. T'as entendu Jeff? Ouais, c'est normal. Hey Jeff, dans deux mois, on l'entend dans les pervers de Pamela. Absolument, oui. Bon, ben merci en tout cas pour les témoignages. On te fait une grosse bise, Kaïna. Bisous, Kaïna. On t'embrasse sur Skyrock, tu bouges pas. Tu nous as bien fait rire. Ouais, t'es cool, tu reviens quand tu veux. Kaïna du 9-3 et Jeff du 30. Salut à toi, Jeff. Et pareil pour toi, t-shirt Skyrock à la maison. Salut. Ciao, Jeff. Soir, de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. Radio Libre tout l'été du lundi au vendredi avec Difoulé sur Skyrock. On se fait le problème du mois tout de suite. C'est la tradition sur Skyrock, le jeu du soir. On aide des gens qui ont des problèmes niveau Q. On trouve tout ça sur des forums ou dans des magazines. On va s'occuper d'Emilien ce soir. Je vous le décris en trois mots. Branlette au bureau. On lève le voile sur son cas juste après le son de Calvin Harris et Rihanna. This is what you came for sur Skyrock. Rihanna, le problème du mois et les pervers de Pamela, ce sera à suivre juste avant minuit sur Skyrock. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Cet été, Sam débarque dans les dédicaces sur Skyrock. Dédicace! À tout moment, balance ta dédicace à ton pote Sam en direct sur Skyrock et gagne deux places pour le Whoop à la rentrée. Un spectacle exclusif réservé aux auditeurs de Skyrock et aux potes de Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée et de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino. Vous, les virtuoses de l'autoportrait, les spécialistes des moues boudeuses, les magiciens de la contre-plongée, vous, les pros du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas l'avis d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Mais qui vous aime en secret? Un voisin? Un vieux copain? Caché au 71 777. Un gamin? Le bel inconnu du train? Envoyez caché CACHER au 71 777. Nos experts vous diront tout de vos amours cachés. Caché au 71 777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Drake. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. I'm way too good to you. Drake, nouvel album Views, disponible. soir, dès 21h. Difool est sur Skyrock. Difool est sur Skyrock. Elle est jolie, Rihanna, non? Ouais, absolument, ouais. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Sur Skyrock. Voici la séquence la plus utile de l'émission. Le problème du mois sur Skyrock. Alors, c'est Emilien, le branleur fou. Oui, le branleur belge. Ouais, Emilien, alors en fait, il a un délire, c'est il travaille dans une boîte. Et dans une boîte de conserve. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, il travaille dans une société et son grand truc, ça l'excite, c'est d'éjaculer sur le bureau des collègues. Ça, il a arrêté parce que trop de soupçons sur lui. Ouais. Et là, nouveau délire depuis quelques temps, il éjacule dans les poches de ses collègues et en fait, il adore voir leur réaction quand ils mettent les mains dedans. Ça le réexcite encore. Et on vous a demandé, on vous a dit d'ailleurs, dans quels endroits les plus chelous on s'était branlé. Et on vous a demandé vos témoignages. On a Pat au téléphone avec nous. Bonjour, Pat. Salut, Pat. Pat, 18 ans. Allô. Et à Rennes. Salut, Pat. Comment ça va? Salut l'équipe, ça va ou quoi? Eh, écoute, ça va bien, Pat. Bienvenue à toi. Tranquille. C'est gentil d'appeler pour le problème du mois parce que t'as vu, le mec, il est dans un état pas possible, il faut absolument l'aider. Donc c'est bien qu'on se mobilise tous. Il est en galère. Tous ensemble sur Skyrock. Et, ok. Et donc, c'est quoi l'endroit le plus chelou? Tu t'es branlé, toi? Bon, en fait, moi, c'était à l'époque du collège. Ouais. T'as quel âge? T'as 18 ans. Ouais, il y a 4-5 ans. Ouais, j'ai 18, ouais. Ouais, j'étais en 4e exactement, tu vois. Mmh. Et en fait, je faisais. En 4e, c'était l'année où je faisais plus de conneries. Ouais. Et le proviseur, en fait, il en avait tellement marre qu'il m'a mis en quarantaine, en fait. Ah, c'était quoi, à l'internat? T'avais une chambre tout seul? Le pauvre. Non. C'était vraiment au collège où... Ah, pendant les cours, il y avait pas en prison? Ouais, c'est ça, en fait. Il venait me chercher... il y avait un pion qui venait me chercher à la descente du bus. Pour pas que je vois tous les autres, en fait. Pour pas que tu t'embrouilles avec les autres, ou pas que tu fasses des conneries avec les autres. Non, c'est vraiment, c'était pour me punir, pour me couper de tout le reste du monde, en fait. C'est horrible. Ouais, c'était isolé. Mais les autres devaient te regarder chelou, en plus, non? Parce que t'étais tout le temps tout seul. Ben non, puisque, voilà, ils savaient ce que je courais, tu vois, donc, c'était plus. Ouais, ils étaient au courant de l'histoire, ok. Ouais, en fait, ils venaient me chercher, du coup, à la descente du bus, et ils m'emmenaient dans une salle, en fait. Et il faisait manger avant tous les autres à la cantine pour pas que je vois personne vraiment, tu vois. Tiens, tu vas manger de la merde. Tout seul. Tout seul. Tiens, ta gamelle. Tout seul. Bah, le mec, c'était un sadique, coup... non? Il t'aimait pas, en tout cas. Bah, c'est chelou comme sanction, quand pendant même. Pendant une semaine, en fait. Ah, donc t'as eu une semaine où t'étais mis en quarantaine pour t'expliquer qu'il fallait que tu te calmes. Et... Ouais, voilà, exactement. Oui, et d'ailleurs, ce soir, vous serez en quarantaine, vous ne rentrez pas chez vous, vous dormez chez moi dans mon lit. Oui. Voilà, ce sera votre punition. Voilà, on jouera avec nos zizi. Ah, oh, non, c'est... J'ai le souvenir de la gueule de mon proviseur. C'est à quel moment que tu t'es branlé dans l'histoire, là? dans l'histoire, c'est que le premier jour, tu vois, je faisais chier, donc il me ramenait les cours, mais genre, toutes les deux heures, quelque chose comme ça. Le premier jour, ça allait, mais le deuxième jour, franchement, là, je dis, putain, en fait, il n'y a jamais personne. Mais du coup, j'ai commencé à... Mais c'est horrible, t'étais dans une... Mais c'était quoi, genre une salle de classe, mais t'étais tout seul dedans, quoi? En quarantaine? Non, pas une salle de classe, genre un bureau, tu vois. Non, c'est vraiment... Dans la cave du lycée. Non, il y avait construit une cellule. D'ailleurs, le proviseur de pied en tôle, pour... C'est problème. Non, mais c'est bizarre, quand même. Non, mais... C'était pas fermé à clé, non plus, tu vois. Ah, mais heureusement, oui, il manquait plus que ça, ouais. Mais franchement, c'était un genre bureau du proviseur, mais où il y avait rien dedans, tu vois. Et toi, tu t'es tapé une queue, là, tranquille? Bah, ouais, franchement, c'était tous les jours, après. Ça passe le temps. Ouais. Bah, que ce soit le matin ou l'après-midi, tu vois. Bah, ouais, t'étais tout seul, tu te faisais chier, bon, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que c'est un endroit chelou, mais bon, c'est pas ta faute non plus, hein. Non, ah, bah après j'étais tranquille, hein. Et en tout cas, il y en a un paquet qui sont branlés au bahut, mais alors partout au bahut, dans les chiottes du bahut, faites gaffe, hein, ça doit glisser à l'intérieur, hein, après les tout. Avec c'est les messages qu'on a vus depuis tout c'est à dangereux. L'heure. Attends, bouge pas, Pat, parce qu'on a qui au téléphone aussi? Il y a Anar, ah oui. Anar du 47 qui est là. Bonjour Anar. Nanar. Allô. Anar. Bon bah si on n'a pas Nanar, on a. C'est pas Nanar, allô. Anar. Ah. Ah, ça a été. Ouais. Bienvenue, c'est pas grave. Alors, Anna, du 47, oui. Et puis, il y a plein de messages. Ah, pour la branlette? Ouais. Madison, par exemple, s'est branlée dans le tramway. Elle. Ah, c'est bien, dans le tramway, Madison. Ah, mais au milieu des gens, alors. Non, mais où, tu sais, le soir, tard. Ah, s'il y a personne. Tu sais, il y a des lignes le soir, il y a personne. Hein. Ouais. Il y a des caméras, fais attention, Madison. Ah, puis, ouais. Dana, c'est pas pratique. Hein. Toi, tu l'as fait où, toi, Anna? Sur un parking du lycée, en fait. Ma mère était venue me chercher. Et du coup, arrivée à la voiture, elle a. Elle avait oublié d'acheter ses clopes. Oh, maman, il faut que je me branle, ça te dérange pas? Tu conduis. Ouais, j'ai eu une sale pulsion, et je sais pas, c'était plus fort, je me suis branlé là. Mais tu regardais les autres élèves sortir du bahut? Oui, bien sûr. Mais en fait, personne ne me voyait. Moi, je voyais tout le monde, et ouais, personne ne me voyait, en fait. Mais t'as sorti ta queue ou tu t'es branlé à travers ton jean ou ton jogging? Non, j'ai sorti. Mais t'as juté où? T'as juté où? Sur du papier. Il y avait toujours du sopalin. Dans les voitures des mamans, il y a toujours du sopalin. Ouais, c'est vrai, il y a tout le temps des mouchoirs. Au cas où leur fils ait envie de se branler, par exemple. Ouais, voilà. C'est toujours pratique. Mais bon. Les mamans ont tout prévu. Non, mais t'avais pas peur qu'elle arrive, parce que tu sais pas le temps qu'elle met. Mais ça m'excitait encore plus, en fait. Ah ouais. Oh, et puis de voir tes potes qui sortaient, des copines qui sortaient, ça t'a. Non, mais le fait de savoir que tu peux te faire choper, c'est vachement excitant, c'est vrai. Ah bah moi, j'aime pas, moi. Ah putain, moi ça m'excite. Ben... Ah c'est excitant. Bah oui, je sais qu'il y en a qui sont excités par ça. Anar et Romano, Marie, même moi, combat. Pas spécialement. Non, ouais. Ah, attends Marie, tu te fais tringler contre une mairie où il y a des caméras, ça t'excite pas? Non, mais il n'y avait pas de caméra contre la mairie. Alors attendez, il y a Jérôme aussi qui est en ligne dans le 91. Bouge pas Anar, reste là. Salut Jérôme. Salut, salut. Salut Jérôme. Coucou. Alors toi, tu as eu une période où tu as eu des pulsions, tu te branlais à peu près partout. Ouais. Ah, j'ai eu une sale période et franchement, je comprends tout à fait Romano et je compatis Romano. Non, mais attends, ce n'est pas moi le problème du mois. Si, Romano, c'est Emilien en fait. Non, c'est Emilien, moi je ne suis pas ajouté dans les poches de D-Fool par exemple. Ah non, mais moi je te parle de tes pulsions dans le parking, du resto, ce genre de choses, tu vois. T'avais quel âge quand t'avais ces pulsions là, toi? Ça a duré 2 ans, entre mes 20 et mes 22 ans, quoi. 22 ans, t'étais chaud, mais alors chaud comme un... J'en pouvais plus. Mais t'avais une comme un barbecue. Une centrale nucléaire à côté, c'était froid. Hein. Mais t'avais une nana à l'époque? Non, j'avais pas de nana. Il y avait deux mains. Je partais à la semaine dans le camion et partout où je m'arrêtais, il fallait que je me branle. Ah, j'étais sûr que les routiers se branlaient. Voilà. Tout à l'heure, Thomas, il disait que non, ça se branlait pas. Ouais, il disait que non, mais moi, il y a de tout et de rien chez les routiers. C'est d'ailleurs, on salue tous ceux qui sont sur des aires de repos actuellement en train de nous écouter. C'était tout. C'était les aires de repos, c'était les toilettes chez les gens. C'était. Ah, mais ça, c'est le pire, moi, je trouve. Tu t'es branlé chez des gens? Ouais, bah ouais, j'ai qui pulsion, hop, bah la mère de mon pote qui est bonne, tu la vois, t'as envie de lui mettre un coup, tu pars aux toilettes. Tu vois. Pas mal. Tu vois, dans le respect de ton pote, quoi. Plutôt que lui dire, tiens, je lui mettrais bien un petit coup, bah non, tu pars aux toilettes, tu pars aux toilettes, quoi. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait appelé un pervers, Fred, il était en soirée avec son beau-frère, je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il était parti aux toilettes, alors on entendait les gens derrière encore, et le mec s'était branlé normal avec Pamela au téléphone. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, Pamela avait beaucoup excité, trop d'ailleurs. C'est sympa, ça aussi, tu vois. Ah, mais c'est chaud quand même. Pour le coup, moi, la solution, s'il y en a d'autres qui ont le problème et qui veulent la solution, pour moi, la solution, ça a été sexologue et psychologue. Ah, t'es allé voir un sexologue? Carrément, ouais. Et tu te prenais combien de fois par jour, toi, à l'époque? Pouf, je sais plus, mais beaucoup. Peut-être autant de fois que je fumais des clopes. Et il t'a dit quoi, le mec? Ah ouais. Donc ça, si tu fumes un paquet, ça fait 20 fois par jour. Ça a été un travail de longue haleine, hein, vraiment. T'étais sex addict, en fait. Ouais, c'était ça, j'étais branleur addict même. Le mec, il t'a avoir dit. Avoir un sexologue en Manon. Le non, mec, mais moi, il t'a dit qu'il y avait des gens comme toi. Oui, oui, oui, il m'a dit que j'étais alors, pas. Il y a un animateur de radio très connu. Il travaille sur Skyrock. Je suis loin d'être un cas isolé, il me disait. Qui s'est branlé sur une aire de repos. Ah ouais, il était pas surpris, le mec, quoi. Il en avait non, et apparemment, c'est une vraie pathologie mentale. Mais, ouais, mais toi, en fait, du coup, ta sexualité, elle se résumait à ça. Tu t'allais jamais baiser. Ah ouais, exactement. C'est ça. En fait, c'est ça qui est horrible. Ouais, c'est ça. Comme l'autre fois, on parlait, ceux qui sont, qui vont se branler continuellement sur des sites de cul et leur sexualité, c'est, au final, c'est plus que ça, quoi. Ouais. Rigole, mais tu vois. Soit j'ai failli sortir avec YouPorn et Jackie Michel. Les fois où j'avais l'occasion de baiser, c'était en mode 30 secondes, quoi. Alors, t'arrêtais pas de te branler. Alors, j'arrêtais pas de me branler. Et quand je me branlais, des fois, ça durait bien 10 minutes, un quart d'heure, là, tu as la main, quoi. Eh bien, ami branleur, vous allez taper à la bonne porte ce soir. Et là, t'es soigné. Et là, je suis soigné, ouais, tout va bien. Bon, maintenant, c'est fini, tu vas plus voir personne. Non, je vais plus voir personne, là, c'est terminé, ça. Ok, Jérôme. C'est terminé. Ah ouais, comme je le disais, ami branleur, vous êtes comme à la maison ce soir. Et toi, t'éjaculais pas dans des endroits bizarres? Ah, bah si, complètement. Ah, tu es dans des poches ou dans des choses comme ça? Ah non, ça non. Ça non. Ah ouais, t'es pas non plus ravagé comme le mec du problème du mois, c'est rassurant. Non, j'étais pas à ce point. J'étais pas à ce point. Non mais tu vois, moi, à part m'éjaculer dessus, ça quoi bon sur ma meuf, mais oui. Tu sais, ça m'excite pas d'éjaculer dans des endroits particuliers, quoi. C'est bien dommage. Non, juste branler quand on a envie, quoi. Ouais, non mais c'est ça, oui, mais après je m'en fous. Tu poses pas de question, tu la sors et hop là. Ouais, je vais pas aller me branler, tu sais, dire oh putain, vite une poche de jean. Oh. Je répète, c'est bien dommage. Et bien Anar quitte pas non plus, merci les branleurs. Hein. Tous les soirs, viens toi aussi rejoindre la plus grande radio de France. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Dis-vous, les sur Skyrock, tout l'été jusqu'à minuit ce soir avec le réveil de Star qui arrive au fil retrouver les extraterrestres avec la voix de Fox Mulder de X-Files qui va réveiller les familles. Ce sera juste après le son de Maître Gims. Voici Bella sur Skyrock, passez un bel été. Pas humaine, le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens...

Ah bah oui, oui, oui. Allez, un petit dernier pour la route. Tu pètes toi aussi? Bah oui, tu m'as pas entendu. Ah, c'était toi? Mais oui, c'était moi, ma chérie. Vas-y, refaisons un autre. Ah bah là, j'ai plus envie. Ah bah pousse, hein. Oh bah, je pète comme un cochon, ça, tu l'as dit. Tu bandes, là? Oh bah oui. Ouh là là là là là. T'as le nunu sans feu, toi. Ah, lèche-moi le nunu. Bah oui, pour ton nunu, tu connais plein. Ah, ah ouais, j'ai... Le roi d'Amérique, pour ton nunu. Ah, tu sais parler aux femmes. Mais oui, je sais. Ah ouais, tu me fais mouiller. Comment t'as-tu fait tirer moi sur ma grosse queue, ma chérie? Bah écoute, ce que je fais, c'est que je te rappelle en début de semaine et on cale un rendez-vous dans la semaine. Oh bah, si tu veux, on met ça mercredi. Mercredi, tu peux venir, toi? Ah bah oui. T'es bêté d'où, sérieux? Mais je suis de Paris, ma chérie. Ah bah voilà, bah nickel, moi aussi. Mercredi t'es soir, où, tu peux... à Paris? Dans le deuxième. Dans le neuvième? Deuxième, deux. C'est où, ça, le deuxième? Châtelet-Léal. Oh, oh. Bon, on n'est pas loin. Bah écoute, tu pourrais venir me voir, mercredi soir. Mais moi, je suis au mur. Ah bah voilà. Eh ben à côté du prix de l'unique. Ah ben oui, je le vois tout à fait. Eh ben je suis à 50 mètres du prix de l'unique, ma chérie. Ah ben écoute, on pourra se voir rapidement. Ah ben voilà. Ah ben nickel, Jean-Claude, je t'embrasse. Ben moi aussi. Et embrasse mon nunu. J'embrasse ton gros nunu, ça. Ouh, elle pète la salope. Et je te rappelle lundi ou mardi, on se voit mercredi. Ah ben voilà. Putain, le mec, il a terminé en beauté avec elle. Il est juste à côté. Hein. Le mec, c'est ta voisin, oui. Ah, c'est Minus. Hey, il est à côté de chez nous. Ah, mais ah ouais, totalement. Eh, hey, Samy, t'habites dans le quartier. Ouais, mais il a donné mon adresse, en fait. C'est ton voisin, Samy. Ah, c'est Nunus. Ah, c'est sympa, Nunus. Tous les soirs, viens-toi aussi rejoindre la plus grande radio de France. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et comme promis, voici le réveil de star. On prend la voix d'une star, on réveille les familles avec. C'est un extrait du Morning de Default qui sera de retour le 29 août entre 6h à 9h sur Skyrock, avec des chèques de 1 500 € à gagner si vous répondez à Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. Pour augmenter vos chances, faut envoyer 1 500 au 7 20 20. Ça augmente nos chances, donc c'est quand vous voulez. Tout l'été, les inscriptions sont ouvertes. Réveil de star donc maintenant avec le personnage principal de X-Files, la série sur les phénomènes paranormaux sur Skyrock. Le réveil de star. Une star, une star, un appel, on écoute. Allô? Je m'appelle Fox Mulder. Oui? J'osais pas te rappeler parce que tu vas me prendre pour un dingue. Mais vous, à quel sujet? La technologie extraterrestre est utilisée contre nous, pas par les extraterrestres. Attends, je te passe le con, l'extraterrestre. Il va te dire des nouvelles. Oula! Tu vas voir! Allô? Cette conversation restera entre nous. Oui? J'ai enfin compris. Tout est clair à présent. On nous a menti pendant des années. On te demande de quoi? Mais qui t'es d'abord? Oh, qui t'es? Je m'appelle Fox Mulder. Que c'est ça, Fox Mulder? Oh, c'est quoi, j'ai son numéro? Mon obsession m'a conduit au FBI. Attends. Arrête de me parler, toi. Qu'est-ce que tu me dis? Mon obsession m'a conduit au FBI, au sein d'un service appelé les affaires non classées. Non, mais attends, mais tu as fumé, toi, ou quoi? On kidnappe des hommes et des femmes et on fait croire qu'ils ont été enlevés par des aliens. Eh oui. Là, je t'explique que tu as fumé. Et je crois savoir pourquoi. Oh, il va même pas te faire enculer, APD. Oui, tout à fait. Ah, il va te faire enculer, APD. Fox n'est pas contre, hein, il a dit tout à fait derrière. Ah ouais, tout à fait. Ah, qu'est-ce que c'est, Fox Mulder? Ah, il a eu du mal. Ah, tu m'en fumes, hein. Qu'est-ce que c'est, Fox Mulder? Il va enculer, hein. Bon, on a bien évidemment repassé un nouveau coup de fil à Christian et à la famille. Ah bah oui, on pouvait pas s'arrêter là. Bien sûr. Donc la femme est mobilisée, le mec est mobilisé, la famille est... Et derrière son téléphone, avec Fox Mulder au bout du fil. Ah, ça y est. Ah. Hey, alors écoute-moi, oui. Quand une fois tu décroches, je viens et je te casse à la bouche. Oh, wow. C'est le calme avant la tempête. Voilà, ben, va te faire enculer, ça te donnera des couleurs, cono. Allô. De quoi tu as peur? Moi j'ai peur de quoi? Mais tu as des couilles au cul. Tu veux se retrouver à un endroit? Oui, tout à fait. Va ben, te faire enculer, en fondu. Mais tu es une travelo, toi. Mais tu es un homosexuel. Oh, je crois que je me rappellerai. Dis-moi, arrête avec ça. Débranche, hein. Si tu as les couilles au cul, tu viens, on se trouve, là. Tranquille, c'est pas un souci. C'est pas un souci, moi. Comme si je le savais pas. Mais va te faire niquer, hein. Tu sais quoi, là? Tu vas parler 36 000 fois, là, tu vois. Même plus je raccroche, je laisse le téléphone en commençant, là. Oh. T'es alarmant, tu t'arrêteras, abouti. Je peux pas continuer cette discussion au téléphone, il faut que j'y aille. Ah, on est obligé d'y aller. Désolé, vraiment. Ah, oui, ah, bah, les familles sont parties aussi. Faut qu'on file. Ah, il faut qu'on y aille. Allez, va te faire enculer, hein. Ça te donnera des couleurs. Ah, ouais, ça, c'est la punchline du jour. Notez-la bien, hein. La punchline du jour. Ah, t'es enculé, ça donnera des couleurs. Et un petit conno derrière, parfait. Et une petite invitation, quand même. Ah oui. Il a donné rendez-vous à Fox Mulder. Voilà, bah, il va peut-être l'attendre un moment. Avec la femme qui hurle derrière. Voilà, on a du haut niveau. Merci la famille à Christian. Merci à Fox Mulder d'être venu ce matin sur Sky. Tous les soirs dès 21h. D-Fool est sur Skyrock. Et sur Skyrock, on va faire tourner la roulette avec vos places pour aller voir le Whoop. C'est Mister V et tout son collectif de comiques youtubeurs. Il vous reste quelques minutes pour vous inscrire. Vous envoyez roulette maintenant au 7-20-20. On se met un petit Joule, mon bijou. La roulette qui tourne. Et Priska toute la nuit pour le son de Skyrock. Ce sera rap et R&B non-stop. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rap et R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. C'est la folie des barbecues cet été sur Skyrock avec Géant Casino. Toi aussi, mets-toi en mode Brésil et envoie tes plus belles photos de soirée de barbecue géant avec le hashtag Géant Brésil. Et gagne ton voyage au Brésil. Dès maintenant, poste ta photo sur Twitter et Instagram avec le hashtag Géant Brésil pour participer. Ton futur voyage au Brésil, c'est maintenant avec les magasins Géant Casino. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. D-Fool Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Avec Jules et mon bijou sur Skyrock. Me laisser, t'as le choix. J'suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, j't'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, t'sais pas où t'as mal. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. J'suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. J'suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. T'es mon bijou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bisou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Je veux mon bisou. 21h minuit sur Skyrock. Et sur Skyrock, Radio Libre, suite et fin, maintenant avec la roulette qu'on va faire tourner, c'est le Whoop à l'intérieur avec Mister V et toute sa bande de comiques youtubeurs sur Skyrock. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Ouais, c'est uniquement pour vous les auditeurs de Skyrock, le spectacle du Whoop, c'est à la rentrée le 16 septembre avec Skyrock et la sécurité routière. C'est Marc-Antoine qui a été tiré au sort pour faire tourner avec nous. Allô Marc-Antoine de Troyes. Allô, allô. Ah oui, c'est... Oui, voilà. Allô, allô. Oui, allô, tu m'entends? Ouais, ça va, c'est Prisca qui vient d'arriver, qui fait l'émission juste après. Elle a posé son sac sur la télécommande qui gère le standard, donc ça m'a coupé l'auditeur. Ok, ok. Bravo à Prisca, tu pourras lui dire... Les folies du direct, ouais. Et okay. Ouais, c'est ça, c'est le direct, Skyrock, y a pas de triche. On est en direct tout le temps, donc t'es stagiaire dans l'agroalimentaire, t'es étudiant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout se passe bien. Super, au top. Tu fais partie de la team travail cet été et la team cadeau peut-être aussi avec la roulette de Skyrock qui tourne. Eh bah écoute, j'espère. Eh bah ouais, c'est parti, gros top quand tu veux. Alors, au début, je me disais, le mec il est tout calme et tout dans son lit en train d'attendre que ça se passe, mais en fait, non. Le mec il est super chaud quoi. Ouais. Et c'est Whoop Gang, c'est gagné pour toi deux places pour aller voir le Whoop. C'est Mister V et tout le monde que tu vas voir en vrai. Super, super, merci beaucoup. Félicitations Marc-Antoine. Eh ben merci bien, je peux laisser une petite dédicace? Bah, bien sûr, on s'écoute. Et bah, un gros bisou à mon Simon avec qui je vais partir vers le Whoop. Et à tous mes potes qui partent sans moi en vacances. Je suis très triste, mais bon, c'est le stage, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Bah, t'es payé au moins quand même. Ouais. Bon bah ça va alors, tu fais des sous et les autres ils en auront moins puisqu'ils vont partir et ils vont tout dépenser. C'est ça, ouais. Ah, ouais. T'as tout compris la vie Marc-Antoine, c'est bien. À bientôt. Salut Marc-Antoine. Salut. Radio Libre sur Skyrock, la dernière de la semaine, ce sera demain entre 21h et minuit et la Prisca. Ouais Max. À défaut de me couper mon standard. T'es sûr que c'était moi? Je croyais que genre c'était toi qui avais oublié de mettre l'auditeur à l'antenne. J'ai appuyé, tu vois. Ouais, bien sûr. Heureusement que j'arrive. Hop, je te sauve la mise. En fait, c'est moi qui l'ai. D'accord. En fait, c'est Wonder Woman qui est avec moi dans le studio. Désolé. On est bien là. Sorry. Y a pas de souci. Bon, ça va Max. Ben ouais, on écoute en pleine forme. Du son à passer toute la nuit. C'est One Dance, le premier disque, c'est ça? Exactement. Bon, Drake, voilà, on est bon là. Le Canadien, ouais, exact. Bon Max, de retour demain matin? Ouais, on sera là à partir de 9h sur Skyrock. Et voilà, vous voyez Max, il est là avec vous le matin, il est avec vous le soir. Et à chaque fois je te vois et c'est ça qui me donne la force de revenir. Deux fois par jour. Ouais. Il y en a qui sont, hein, ils sont gâtés quand même. On finira ensemble à la fin. Hein, tu vois. Ouais, non, peut-être pas. Oh bah. Et un râteau. Oh, voilà. On est bien là. En plus, mon petit frère. Bon, allez, je me retire. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Va dormir. Ciao. Ciao. Bonne nuit à tous sur Skyrock. Contente de vous retrouver cette nuit. J'espère que vous allez bien. Les vacanciers, les bosseurs qui nous écoutent également. Le son de Skyrock, et ben, c'est pour vous. C'est Rapper Emmy non-stop. Effectivement, nous allons attaquer tout de suite avec Drake et One Dance. Et puis SCH, allô maman, juste après sur Skyrock. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow. Make you lose control. Where?